À toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie. Nous le jurons tous, tu vivras. Tu vivras. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Radio Stube spécial respect des consignes, respect des gestes barrières, émission spéciale puisque nous allons commencer par annoncer un absent. La personne d'Ator qui n'est pas là. Suspension. Non. Suspension. Carton rouge. C'est une honte. Carton rouge suite à ses propos diffamatoires de la dernière émission que je vous invite à réécouter. On a bien sûr trouvé du monde sur le banc puisque le Racing est fourni cette année sur le banc. Tout d'abord, il est en train de chercher des bières, donc je l'annonce en premier. C'est Roulian. Bonsoir tout le monde, je suis là, j'ai ramené des bières belges, on va se saouler la gueule, ça va être formidable. Je n'assurerai pas plus tard que la qualité de l'émission est optimum. Ça va être en proportion au degré d'alcool que nous allons boire ce soir et a priori ça va être une grande émission. Les bières Sels. Vous l'avez pas reconnu à mon avis sur un seul mot, enfin sur deux mots, c'est Lucky Stube. Ravi d'être là. Voilà, ravi que tu sois encore de retour en deuxième semaine. C'est merci pour l'invitation, je m'y attendais tellement pas. J'ai dû annuler tous mes plans et je suis venu en deltaplane. Future annulation d'Amélio d'ailleurs, j'espère. D'accord. Et tel. Comment il s'appelle Tel un mec de Greenpeace Olmeta. Non, je pensais à Olmeta. Mais oui, un mec de Greenpeace à l'Euro aussi. Les deux sont quasiment pareils. C'était un cheval. Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, mais il a tout fait Olmeta. Ah. Alors là, ils ont parlé un tous les cheval, deux. Cheval, Olmeta. Oui, il avait dit qu'il rentrerait sur la finale de Coupe de France contre Montpellier en cheval au Parc des Princes. Sur la pelouse du Parc des Princes. C'est ça. Et il l'a pas fait. Ça lui fait un point commun avec Philou, quoi. Voilà, ce n'est pas Philou, c'est Stroutim. Bonsoir, monsieur Guigues. Voilà, mais bienvenue, bon retour. Merci. Une bière s'est remplie. Une seconde, c'est facile. Ouais, ça, c'est la magie du direct. Et le dernier, vous l'avez entreaperçu, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. C'est Pépito sur le Stube, c'est Fred dans la vraie vie. Et peut-être d'autres pseudos sur plein de sites de rencontres, je ne sais pas, Fred. Dat ik het zeker zal doen, morgen. Zeker voor de noem, ik doe het morgen. Morgen, morgen. Dat ik het morgen zal doen. Niet vandaag, niet zelfs, niet zo'n beat. Ik heb geen goesting en nu doe ik het niet. Maar ik kan u wel beloven, het is de eerste dag begin. Een goed nachtje slapen, frisse ruit en vlieger. En ik doe het morgen. Dat ik het zeker zal doen, morgen. Zeker voor de noem, ik doe het morgen. Morgen, Morgen, dat het morgen zal doen. Non, non, c'est fini tout ça. C'était Pepito, c'était Pepito aussi, je crois, si je me rappelle bien. À l'époque, sur Caramel, qui n'existe plus du tout. Caramel. Et voilà, bah, je suis là, j'étais content d'être là, il y a à manger, c'est gratuit, donc je suis là. Voilà, c'est un peu le principe de Radio Shtoub, voilà. Il y a à manger, c'est gratuit, on a vu l'aller bien. Venez l'éducatienne. Venez l'éducatienne, bien sûr, on connaît tous l'adresse. Échoue. tout à fait. Voilà, alors, beaucoup de matchs. Beaucoup de matchs se sont déroulés depuis le dernier Radio Shtoub, parce qu'on a beaucoup joué. On va débriefer tous les matchs à fond. Donc Lyon-RCS, 3-1. RCS Metz 3-0. Ouais. Lens RCS 1-0. Vous avez remarqué, c'est un peu la... c'est pareil que les deux autres matchs, mais on a fait une soustraction. Enfin, ça aurait fait 0-1. Okay. Comme ça marche pas, ça fait 0-1. RCS Lille 1-2. Oui. Grosse déception, on va en parler. Et Montpellier RCS 1-1. Tout le monde trouve ça génial alors que c'est le même score qu'avec Lorient. Mais on en parlera aussi. Alors c'était 4-3 avec Lorient. Ça dépend des matchs, parce qu'on a fait beaucoup de nuls à la Mosson. Donc, par contre, ce qui est bien, c'est que finalement on est content, à peu près. Bah, c'est un super début de saison. C'est un bilan équilibré, qui rattrape un petit peu le petit patinage au démarrage. Je pense que c'est grandement rehaussé par la victoire contre Metz, quand même, dans l'esprit des supporters, qui a offert un peu de sérénité, parce que si on gagne pas ce match contre Metz, je pense que le début de saison, il est tout autre. Globalement, c'est des résultats qui répondent à une certaine logique. Bon, évidemment, la victoire à Lens peut paraître généreuse au vu du classement actuel des Lensois, mais sur le scénario du match, elle est pas scandaleuse non plus. Le reste répond à une certaine logique, et quelque part, le match de Montpellier, qui est le dernier, je trouve que c'est un peu le symbole de ça. C'est-à-dire que le Racing a su remonter au score, a su pour une fois pas en reprendre un derrière. On a deux équipes qui étaient globalement du même niveau, qui ont fait un match plutôt correct, d'ailleurs, on peut le dire. On se plaint souvent que les matchs sont pourris, mais le match à Montpellier... Surtout à Montpellier, ils sont généralement nuls. Ouais, le match à Montpellier était plutôt pas mal. Et donc, ça montre qu'effectivement, on va dire qu'à l'instant T, on peut dire qu'on est à notre place en milieu de tableau. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais moi, c'est mon avis. Moi, j'ai aucun avis sur Lyon-RCS, déjà. Si on la reprend dans l'ordre, le 3-1, voilà. C'est un match, je l'ai regardé vraiment en diagonale. Ça m'en a touché une sans toucher l'autre, quoi. Moi pareil, sauf que pour d'autres raisons. Mais ouais, c'était la semaine triste avec la mort de Wovner Kei, mais enfin de toute façon, en plus un match du dimanche soir, c'est pas les matchs où on excelle généralement, d'autant qu'il y en a assez rarement pour le Racing. Le dernier, je crois, en date, c'était Strasbourg-Marseille, il me semble, hein, le 3-3. On avait joué une fois à Lyon un dimanche soir aussi, je crois. Mais c'était il y a longtemps. Oui, alors on avait joué un dimanche après-midi, juste avant le Covid. Ouais. Mais là, on était plus sur un 17 ou un 19h, mais c'était pas trop tard. Ouais. Un partu avec un but de Zoé. Zoé, ouais. Oui, c'est ça, ouais. C'était un dimanche après-midi, ouais, effectivement. En février 2020, je l'ai regardé du fin fond de l'Autriche. Moi, ouais. Pareil, sauf que j'étais... Dans une cave. Non, dans un chalet. Mais paradoxalement, alors ce match, pour plein de raisons, il était quand même assez intéressant, notamment dans ce que Stéphane veut mettre en place. C'est-à-dire qu'il y avait un pressing extrêmement haut, et même des Lyonnais qui ont pourtant énormément de qualité, bah, ils se sont fait un peu bouffer. Mais le problème, c'est un petit peu ce qu'on déplorait, et ce qu'on déplore depuis un pas mal de temps avec le Racing, c'est que on n'arrive pas à être tranchant, en fait, devant. Et là, on récupérait des ballons extrêmement hauts, hein, surtout en première mi-temps, on récupérait pas mal de ballons. Et au final, Lyon a été meilleur. Mais c'est pas tranchant, c'est juste simplement efficace. On n'a pas. Bah, moi, ça fait partie des. Enfin, c'est le même mot pour dire qu'on marque pas. Oui, bien sûr, oui. C'est en première mi-temps, il y a Persic qui a une volée, mais pour le nombre de ballons récupérés extrêmement haut, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à concrétiser parce que Lyon. En première mi-temps, était prenable. En deuxième, ils ont déclingué. Le tournant de ce match, ça a été la grosse merde de Gamero qui rate son face-à-face. Si on égalise à ce moment-là, le match est différent. On peut peut-être imaginer autre chose. J'en sais rien. Moi, je suis pas d'accord du tout. Le tournant du match, c'est le marquage de Perrin sur le premier but, où il est 10 mètres derrière. Et après, l'attaquant, du coup, il fait un super geste d'attaquant. Mais se prendre un but là dans les 10 premières minutes, c'est ce qui fait basculer la rencontre. Tu démarres la rencontre, les mecs de Lyon font pas grand chose, ils ont un ballon à Desperado, le mec il le récupère tout seul, amorti poitrine, volé, lucarne. Qu'est-ce que tu veux, enfin. Ouais, mais pour te contredire, à Montpellier aussi, on a pris un but dans les 10 premières minutes, on est sorti derrière. Donc après, ça dépend vraiment de, je pense que Lyon, de toute façon, des joueurs qui étaient plus forts que nous, individuellement et tactiquement. Ouais. Donc, on est à notre place, hein. Donc, Mais finalement, je pense que dans tous les matchs que t'as cités ensuite, Gigas, ce qui a vraiment changé le début de saison, c'est le fait de sortir Perrin du 11 et d'installer, Niamsi par la suite. Mais ça, dans la dynamique des résultats, c'est ce qui fait que Strasbourg a repris du poil de la bête, d'avoir une défense centrale charnière à 3 solide, même si on a perdu un match entre temps, il me semble que c'est Lille, mais bon, pour d'autres raisons. Mais contre Lyon, on était encore vraiment juste derrière, quoi. Alors, j'ai une question de Hathor. Célestin, c'est ça? Hathor. Alors, Hathor Stubb. La configuration de l'effectif, pléthore de défenseurs centraux, mais peu de milieux axiaux et pas vraiment déliés. Fiche-t-elle le schéma du 3-5-2? Bah, c'était déjà le cas il y a 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans qu'on est dans le même cycle. Hein, des défenseurs centraux, on arrive toujours à en recruter. On a du mal à recruter des latéraux. On a recruté des bons défenseurs centraux. Il faut quand même le souligner. Parce que, On peut parler des recrues, puisque on était un peu sur la fin du mercato au dernier Loge Tour. Niamsay. Il a des belles cuisses. Okay. Oui, il est pas mal, hein, franchement. J'aime bien. Il a fait un très bon match contre Metz, j'ai trouvé. Ouais. Au-delà de ça, tout le monde a parlé de sa passe décisive, mais ouais, il était très bon. De manière générale, il était bon. Il y avait deux privilèges en face, mais il a fait un beau match quand même. On a suffisamment bavé des prestations contre Metz pour pas faire la fine bouche. C'est vrai. Je trouve qu'il est pas mal, il a du ballon quand même. Pour l'instant, il est bien, mais pour moi, il démarre un peu comme avait démarré Koné chez nous. Oui, c'est ça. Koné a démarré. Bakary Koné, il nous fait une, franchement, Lamine. Il était vraiment la bûche, quoi. Le mec en défense centrale que personne passait. On était hyper contents de son rendement et c'est parti en cacahuète à partir du moment où on est allé à Nîmes où il a mis une main volontaire, là. Et après, il a fait une fin de saison complètement merdique et la saison suivante était dans la même veine. Moi, j'ai juste peur que ça se dérègle. Mais pour l'instant, je suis d'accord avec Strotin. C'est très correct. Vu le prix, l'âge, le rendement et tout, les mecs de Rennes étaient pas très contents d'ailleurs que le club de Rennes essaie de le vendre pour après essayer de recruter Djikou une semaine après, ce qui effectivement, en termes de logique, était con. C'était bizarre, ça se tenait pas trop. Soit t'aurais fait un deal en même temps, soit tu le fais pas, mais le faire en deux étapes, c'était un peu con. Mais pour l'instant, on va dire, vu le prix et ce qu'il nous a coûté, franchement, il fait le taf. Et en plus, il est beaucoup plus jeune que Koné, par contre. Oui, c'est ça. Et il est très complémentaire dans cette ligne de 3, avec notamment Le Marchand, qui est quand même le Mitrovic, là, pour le coup, on peut dire 2.0, c'est-à-dire un gaucher, mais qui s'est relancé, qui est dur. Non, Mitrovic est gaucher. Il jouait défense gauche, mais il était droitier. Je propose qu'on regarde sur le Stubb où il a toutes les informations. Il était peut-être deux pieds gauche, ça c'est possible. C'est même sûr ça. Mais le Marchand, du coup le Marchand remplace avec beaucoup d'à-propos Martinez, Pablo Martinez dans cette défense. Ah voilà. mais la qualité de relance qu'il a et notamment l'expérience, je trouve. Parce qu'en deuxième mi-temps contre Metz où Strasbourg fait plus rien, alors là c'est la transition pour le match de Metz parce que Lyon, je sais pas si beaucoup d'en veulent encore parler, mais... Non, parce qu'on a perdu. Mais dans la deuxième période contre Metz, je l'ai trouvé particulièrement rayonnant et extrêmement intéressant dans la gestion de la défense. C'est-à-dire qu'on n'était pas... On n'a jamais été menacé. On était un petit peu sous pression, mais le gars a beaucoup de sérénité et ça fait du bien à toute l'équipe, alors que Mitrovic, contrairement à Le Marchand, il était pas du tout serein. Enfin voilà, c'est... Bon. Son pied est fort, mais pas précisé sur le genou. Okay. Ouais, moi j'ai droitier gaucher, effectivement. Ouais, il est ambidextre. Donc il a deux pieds, c'est bien ce que je disais. Il est ambidextre des deux pieds, il peut marquer des buts de contre son camp des deux pieds. Mais il n'y avait pas une question d'ailleurs sur Stefan Mitrovic, cher ami. Si, exactement, mais c'est une magnifique transition, vous êtes mon pote. Peut-être faut-il recriver Kevin McHugh, c'est pas celle-là. Putain, il y a tellement de questions, on croule sous les questions, c'est magnifique. Là, non? Mais elles sont toutes posées par Hathor, non? C'est multiples comptes, peut-être là. Ah, voilà. Rika, ah oui, j'avais oublié, oui, j'ai cité Hathor. Rika Lewis, 67, un homme qui a du jean, peut-être? Non, c'est vrai. Comme moi, est-ce que l'équipe de Racing Stubb ne regretterait pas presque le départ de Stefan Mitrovic, qui ne ferait pas tâche dans la défense du Racing? Ça, c'était une question avant, qu'on fasse le double bingo, je pense, Niamsay, Le Marchand. Ouais. C'est vrai que là, on se posait des questions, on disait, putain, mais attends, on va jouer avec Sissoko en défense centrale, même Sissoko, dans les DNA, dit, coach, Ouais. Bah, Sissoko l'a prouvé qu'il était, il avait rien à faire en défense centrale. Pour le coup, c'est une question facile à répondre. Oui. Ah, bah, voilà, répondis-en. Bah, moi, je regrette pas du tout Mitrovic. D'accord. Et moi, je reviendrai juste à ce qu'a dit le confrère juste avant sur le Marchand. C'est la première fois depuis bien pas mal d'années où, où on a ce profil d'un mec qui contrôle la défense, qui est rassurant, qui est un beau métronome de cette défense et qui la gère. On n'avait pas de joueur comme ça depuis très longtemps, calme. Et ça, c'est vraiment vraiment intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas qui est le dernier joueur de ce profil qu'on avait en défense centrale à cette époque. Simakan, mais dans un autre... Simakan, c'est un autre... Dans l'aspect serein et expérience, serein, c'est vrai. Mais Simakan, il faisait des bourdes à droite à gauche. Mais Simakan, dans le sens où les supporters étaient sereins. Simakan, pour moi, c'était un mec qui était dans le duel systématique. C'est ça, ouais, exactement. Alors, le Marchand, c'est l'anticipation. Le Marchand, c'est le maître de la défense, il contrôle tout. Et la relance, très très fort. D'ailleurs, à ce niveau-là, je trouve que Djikou, il fait un peu pas le figure, parce que Djikou est censé relancer son alter ego à droite. C'est pas tout à fait au même niveau. Exemple, le match de Lyon, pour y revenir, où la dernière relance ça donne une ballon au Lyonnais qui termine dans le but trois passes après. C'est pour l'instant effectivement bonne pioche, dirait Niamsi le Marchand. Donc en défense centrale, on a bien recruté, ce qui laisse un peu des regrets effectivement sur les défenseurs latéraux qu'on n'a pas réussi à trouver pendant le mercato. Mais en tout cas, après Gilbert, vu l'investissement qu'on a pris sur ces deux joueurs là investissement somme toute limité, on leur a fait signer quand même des contrats relativement moyenne durée, enfin ils sont là pour quelques années, là on peut dire que pour l'instant on est quoi, on est à un quart du championnat. Un quart du championnat, c'est très correct, quoi. Bah, disons que effectivement, pendant le moment où la question a été posée, c'est vrai que tout le monde s'est dit genre ouais, on a foutu dehors Koné, Mitrovic, qu'est-ce qui va venir. Et on a personne. Et pour l'instant, ils ont plutôt été rassurants les deux et ils se sont adaptés assez rapidement. Et il faut saluer aussi la cellule de recrutement pour le coup qui a été critiquée parce que finalement, c'est deux coups sortis du chapeau. Que personne n'attendait. Le Marchand, pour le coup, alors là, moi, je m'y attendais absolument pas. J'aurais jamais pensé à lui comme recrue. Je ne le connaissais pas. Et finalement, c'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est un mec expérimenté, qui a un bon pied gauche, qui s'est relancé. Je pense que même du pied droit, il sait se défendre. Pour le coup, contre Metz, il a permis à Liénard de faire son match de fou furieux, alors que Liénard était plutôt en difficulté sur son côté gauche depuis le début de saison. Mais c'est aussi parce que t'as un gars derrière comme le Marchand, tu sais que c'est monsieur propre, quoi. Le type, il va te couvrir une zone, que l'attaquant va pas passer, que la relance ensuite elle va être propre. Niamsi, il a été deux fois de suite dans l'équipe type, alors ça j'ai pas compris les notes, les deux sets d'affilée, mais lui parfois il a des manques dans la relance, il est pas concentré, un peu comme Djikou. Mais contrairement à la saison passée où justement Djikou et Simakan étaient les deux gars plus forts parce que la concurrence était aux fraises, là cette année c'est intéressant de voir qu'on a des joueurs au niveau chacun et que ça va peut-être créer une émulation. Et contre Lyon, pour terminer peut-être sur Lyon, on fait 3-1, finalement on réussit à marquer un but en continuant d'attaquer tout le match, finalement avec nos moyens, surtout en deuxième mi-temps on est moins bon. Parce que y a un autre état d'esprit qui est insufflé. Et ça, je pense que le match contre Lyon qu'on a vu cette saison, c'est totalement différent de celui qu'on a vu la saison dernière. On perd 3-0 piteusement, de manière dégueulasse, alors que là, on était quand même pas ridicule, quoi. Puis ça a plu à Stéphane, le 3-1. Avec le pénalty qui est laissé par Ajor pour Habib, pour montrer. Bah, ça crée peut-être Metz. Il nous l'a mis dans toutes les interviews, le père Stéphane. Ça lui a plu, il insiste. J'ai envie de dire, le groupe vit bien. C'est très important, le groupe vit bien. Alors j'ai une petite question quand même là, qui est pas mal. Djikou souffre un peu de la comparaison avec Niamsi et le Marchand. Donc on est dans le thème. Ne faudrait-il pas tenter de le refaire évoluer en 6? Attention, son niveau reste très bon défenseur central, je ne dis pas que c'est devenu une chèvre. Il faudrait un petit peu quand même Rokoras du Stubb. Djikou, avec la venue des deux autres, il est retourné, c'est plus le patron de la défense, l'homme fort comme tout le monde pensait avant qu'ils arrivent. Maintenant, il est à peu près au même niveau, voire un petit peu en dessous sur ses prestations. Donc il faudra qu'il se remette un peu. C'est bien, c'est une saine concurrence et ça va le permettre de se rebooster. On l'a vu contre Lille où il s'est un peu fait dépasser, où il a un peu beaucoup. Lille, il fait deux grosses boulettes. Où il était peut-être sur ses derrière, il fait un Montpellier, il fait un excellent. Voilà, voilà, derrière Montpellier, bah il s'est remobilisé et les gens ne pas. C'est le genre de joueur qui il le sait très bien qu'il a fait un match de merde contre Lille et du coup mais il sort contre Lille, il est pas du tout Enfin, il est pas surpris et il est même plutôt content, je crois, de sortir. Parce que je pense qu'il va aller mieux sortir. Oui, ouais, bien sûr, il était plus du tout dedans. Mais cette venue, je pense, fera du bien à Djikou, qui est obligé de garder un certain niveau, une certaine concentration pour rester au niveau. Et ouais. Je pense que, alors qu'avant, il était sûr d'avoir sa place, puisqu'il y avait personne à part Mitro. Ouais. Il peut se faire remplacer par Sissoko à tout moment. Ouais. Après, Djikou, moi, je trouve quand même que dans le duel. Il est vraiment, c'est vraiment le meilleur des trois. Ouais, ouais. Et c'est quand même ce qu'on demande beaucoup à un défenseur central en D1. C'est sûr que dans la relance, et surtout dans son jeu de tête, moi ce qui m'a toujours un peu frustré avec Djikou, c'est qu'il a pas un très bon jeu de tête. Et c'est dommage. Parce que notamment, bah, il est pas très dangereux sur corner, il prend pas beaucoup de ballons de la tête sur des... Et vu que les corners, ils dépassent pas le premier poteau, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est vrai que là, il y a eu un... Mais ça, c'est l'ADN du club. Marc Keller est le président du club. C'est impossible que t'as un corner qui dépasse le premier poteau. C'est la marque de fabrique de Marc Keller, c'est ça. José Cobos qui prolonge à la fin du mois, c'est qui paye. C'est Marco qui envoie le virement, là. Si tu veux un, voilà. Ouais, en D2, on marquait pas mal sur le corner. Oui, José qui prolongeait. Avec Lénard, il arrivait à lever les balles en Ligue 2. Voilà. Mais c'est pas le même ballon. Hein. Les ballons étaient moins longs. Ouais. Non, mais du coup, je trouve que dans les qualités physiques, dans l'impact qu'il met, c'est le meilleur des trois. Le Marchand, c'est un peu l'inverse de Djikou. Il a une bien meilleure vision du jeu, une anticipation. Il est un peu lent quand même, faut dire ce qu'il est. Niamsi, on sent que c'est un peu plus, effectivement, un peu plus à l'énergie parfois, avec beaucoup de bonne volonté. Mais c'est pas mal aussi. Donc les trois finalement sont assez complémentaires. Ouais. Je pense quand même que Djikou est le meilleur des trois. Même s'il a été un peu inconstant ces derniers matchs, mais contre Montpellier, il fait vraiment un très très bon match. Mmh. Énormément d'interceptions, très très présent dans les duels, comme à son habitude, très tranchant. Faut que ça s'équilibre un peu entre les trois, mais globalement, c'est pas mal. Mais effectivement, c'est le fait qu'on ait ces trois bons joueurs en défense centrale, on va se sentir obligé de les faire jouer, et donc on risque de jouer en 3-5-2 pour revenir à la question du CSTA. Surtout avec le potentiel de l'effectif qu'on a derrière, je vois pas trop comment tu pourrais jouer différemment. Effectivement, ce manque de joueurs de couloir déliés fait que t'es un peu bridé sur ce type de... Mais moi, ça me semble pas être un désavantage d'avoir un système que tu utilises à peu près tout le temps. Auxerre avec Giroud, il a joué pendant 15 ans avec 4-3-3. Un 4-3-3 et voilà, il a fait jouer comme ça. C'est pas un problème. C'est un peu très mode 2020 et plus de dire ouais, putain, moi j'adapte mon système. Je suis d'accord. Oui. Enfin, moi je pense c'est plutôt s'adapter aux qualités de nos joueurs. Mais c'est ce que fait Lens et qu'on a affronté par la suite. Lens, exact, en transition magnifique. On reviendra sur ce que c'est un peu le fil rouge. Ouais, mais Lens, c'est une équipe qui joue en 3-4-3 avec trois centraux qui sont très forts, tous très complémentaires et des joueurs devant. Alors moi, si m'avait dit que Sotoka ou Kalimuendo allaient devenir des attaquants de classe internationale, je t'aurais jamais cru. Et pourtant, ils font un super début de saison parce que c'est cohérent et ils s'adaptent. Évidemment, il y a toujours une part d'adaptation à l'adversaire, je pense, dans le discours, dans les choses que tu travailles, mais c'est toujours le même schéma. Et au final, ça marche. Et c'était un petit peu ce qui nous arrivait avec le 3-5-2 de Lala. Vous m'avez compris. C'était celui où Lala avait performé, surperformé à une époque. C'était parce que, en fait, le truc était taillé pour lui et ça marchait à tous les coups. Il y avait une qualité de centre, la balle arrivait à chaque fois. Donc, moi, je suis pour garder ce 3-5-2 qui, on le voit, commence à mettre en valeur des gars comme Diallo, contre Metz notamment. On a des questions de plus récentes. Voilà. Oui, pour revenir à ça, l'adaptation, je sais que... Oh, j'ai discuté avec Guy Stéphane, là, dedans. Il te demandait ton avis, d'ailleurs. Ouais. Non, Julien Stéphane. Non, Julien Stéphane avait quand même souligné que Lens était un peu la victoire de... De référence. De référence, et aussi un petit peu de l'analyste vidéo, qui s'appelle Cuny, je crois. Des vidéos de Cuny. J'ai regardé des vidéos de Cuny sur Internet. D'accord, ok, ouais, c'est pas mal. Mais je vais taper vidéo de Cuny sur Internet. Voilà. Tapez, vous aurez des surprises. Voilà. Non, mais il disait surtout que, là, ils ont vu qu'ils ont maintenant un mec qui fait ça à plein temps. Et sur ce match-là, ils avaient vraiment bien analysé. Alors, je sais plus vraiment ce qu'ils avaient analysé. Hein. Peut-être, Fred, tu t'en rappelles. Non, je sais juste, je sais juste, et j'ai toujours pas compris pourquoi, le fait d'avoir fait jouer les trois attaquants, ça a permis de gérer tactiquement mieux cette rencontre. Alors, je ne vois pas sous quelle, j'ai pas assez de connaissances footballistiques de ce côté-là pour dire pourquoi avoir aligné ces trois attaquants qui, au départ, restent quand même un peu bizarres sur une composition, sur un déplacement à Lens. C'était apparemment trois attaquants parce que t'avais, de mémoire, t'avais, Diallo en pointe et, en fait, Ajorque et Gamero bloqués chacun un couloir. Ouais, mais parce qu'ils courent beaucoup, les deux, et qu'ils sont généreux, c'est ça. Et que les groupes vivent bien. Mais, moi, après, je suis pas, tu vois, sur la victoire à Lens, pour moi, même si c'est un truc, c'est que fondamentalement, moi, je trouve que c'est un petit hold-up dans le sens où les Lensois ont mis vraiment tous les ingrédients, ils ont essayé de dominer, ils ont procuré des occasions, qui n'étaient pas énormes, je l'accorde. Mais on n'a pas réussi à se mettre en position de marquer. L'arbitre nous a aidé sur cette action qu'on pourra débattre parce que sur le Stoub d'ailleurs c'est le sujet du sondage du Stoub actuel, c'est le carton. Ouais. Et le carton. On pourra en discuter. Et une fois qu'on a eu ça, c'est vrai que dans les 25 minutes qui ont suivi ou 20 minutes qui ont suivi, on a même pris l'ascendant à 11 contre 10. On marque le but. Et une fois qu'on a marqué le but, on sait, voilà, on a cette occasion qui me fait penser à la fameuse occasion but de Bouafia qu'il a marqué à Lens, poteau gauche, transversal, poteau droit, le ballon est rentré. C'était un peu ça. On a eu quand même une maxi chatte. Fondamentalement, c'est quand même un semi hold up et je peux concevoir que les Lensois l'ont un peu mauvaise après le match à propos du carton et à propos du déroulé du match où finalement ils perdent 3 points sur un match comme ça où globalement dans la première mi-temps n'existe pas. Voilà. Ouais, non, c'est clair et net. En premier temps, on n'existe pas. Mais les Lensois ont un collectif mieux huilé. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui comparent Strasbourg à Lens. Moi, j'ai envie de te dire que Lens, qu'il soit plus abouti dans le collectif, encore heureux, et c'est normal. Ils ont un coach qui tourne bien depuis 2 saisons, avec un discours qui plaît. Nous, il y a quand même énormément de choses qui ont changé à l'intersaison. Alors certes, il y a de nouveau un 3-5-2, mais bon, on a changé toute la défense, et il y a quand même beaucoup de mecs à remettre en confiance aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça va faire hurler de dire ça, mais moi, j'en suis persuadé. Et techniquement, je prendrais du vin. Et la victoire contre Lens, finalement, bon, effectivement, le rouge nous aide énormément, mais c'est d'ailleurs c'est aussi, le rouge nous aide. Le rouge va aider énormément Gigas pour la suite de l'émission, mais c'est c'était pas immérité non plus. Moi, voilà. Je mets les pieds dans le plat. Il y a rouge ou pas? Pour toi. Alors, franchement, quand j'ai vu l'image, j'ai dit non. Quand j'ai revu l'image sobre, j'ai redit non. Mais quand j'ai lu certaines interprétations, je me suis dit, effectivement, Endur, qui va de manière plus spectaculaire, il a aussi le ballon à Marseille, et tout le monde tombe sur Endur. Moi, je pense que Danso, enfin, il n'est pas obligé d'y aller de manière aussi énergique pour balancer un ballon en touche. Même Mangan ne le faisait pas. Donc, à un moment donné, c'est à l'interprétation. On peut donner rouge, mais on peut donner rouge, il n'y a pas un scandale. En fait, je pense que la vraie question, c'est est-ce que si j'étais arbitre, j'aurais donné rouge? Non. Voilà. Et c'est, vu que c'est à l'interprétation de l'arbitre, Mais t'es pas arbitre. Non, mais pour moi, il y a rouge. Et il y a quelque chose qu'il faut quand même noter, c'est que les Lensois, dans ce match-là, ont fait, je crois, 2 ou 3 fois plus de fautes que nous, alors qu'ils avaient 2 fois plus le ballon. Et ils ont eu quasiment aucune occasion, je dirais. Donc on a acheté le match. On a mis Julien Stéphane. Non, on n'a pas acheté le match, mais c'est juste que Lens a mis ses ingrédients, beaucoup d'agressivité, beaucoup de fautes. Ils ont mis le pied, hein, clairement. Et Aoulou s'est fait 2-3 fois marcher dessus. Ouais, bien sûr, ouais, sur le pied. Ouais. Donc ils ont une espèce d'agressivité décomplexée qui, je pense, 80% du temps les aide bien parce que du coup en face les mecs se cachent un peu, l'arbitre ferme les yeux ou alors ils sont juste à la limite et ils se font pas prendre. Bon, là ils se sont fait prendre. Ils ont eu une expulsion. Là aussi, effectivement, c'est l'interprétation de l'arbitre, mais justement, c'est le travail de l'arbitre d'interpréter. Ça aurait pu être l'une chose, ça aurait pu être l'autre, comme énormément d'actions ambiguës dans le football. Certes, ça change le scénario du match, mais c'est la faute du joueur Lensois qui change le scénario du match. Il se met en position de se faire punir. C'est toujours un petit peu l'interprétation, justement, c'est le nerf de la guerre, et c'est le côté un peu. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est le côté corporatiste des arbitres. C'est genre, ouais. Jean-Claude est sur le terrain, si je l'invite à aller regarder l'isolation, enfin, quelque part, je vais contre sa décision, tant que moi, je serai sur le terrain, ce sera Jean-Claude qui sera dans le car, et putain, il va me faire la même et tout. Ouais, moi, je sais pas, j'ai toujours l'impression, on a quand même très peu de cas où. la VAR dans la VAR qui se trouve, et des juges son petit copain sur le terrain. Parce qu'à chaque fois, c'est une question d'interprétation, et ils ont un argument de dire, oui, mais ça nous, on l'a vu. Est-ce que c'est par corporatisme, ou est-ce que c'est parce que par essence, la mission de la VAR est, enfin, tu vois, il y avait un papier de l'ATA qui expliquait ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas lu, mais on a reproché à la VAR de trop intervenir pendant 2 ans. Après, à l'Euro, ils ont freiné en disant non, il faut arrêter parce que ça hache trop les matchs, c'est le bordel. Et maintenant, on dit, enfin, en fait, en soi, ça ne marchera jamais. Et donc, on se rend compte que t'as beau rajouter la VAR, on revient toujours au même débat qui est que la VAR, pour qu'elle soit efficace, déjà, il faut qu'elle soit rapide, que l'intervention doit être limitée dans le temps. Mais est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Ils ont regardé 17 fois, quand tu regardes 17 fois un ralenti, pourquoi au bout de la 5e fois, tu t'es pas fait une opinion? C'est ça, moi, que je comprends pas. Les mecs, ils sont obligés de regarder 17 fois le ralenti pour se faire une opinion, sachant que l'arbitre, lui, il l'a vu en temps réel. Voilà. Donc, ouais, que lui s'est fait une opinion erronée sur le terrain, je le pardonne 100 fois, parce qu'évidemment, sur le terrain, ça va à une vitesse de dingue. Le mec, il doit se faire son opinion sur l'instant. Le mec, t'as regardé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois le ralenti, c'est bon. Les mecs, des fois, ils en sont à 15, 20 fois, ils regardent l'action, et ils sont en train de couper les cheveux en quatre. Non, c'est n'importe quoi. Soit, l'action, elle est évidente. T'as envie de dire l'arbitre, tu t'es trompé ou non, au contraire, c'est évident, l'arbitre, tu as raison, et ça s'arrête là. Si la VAR serait plus rapide et plus simple dans son application, je pense qu'elle gagnerait en clarté. Ouais, alors là, sur ce match-là, moi je me dis, c'est la première décision véritablement en faveur du Racing depuis le début de saison, parce que contre 3, il y a des pénaltys non sifflés, des hors-jeux limites ou des choses comme ça. Là, pour le coup, je me suis dit, bon, sur une saison, si ça s'équilibre, là, c'était en notre faveur. Moi, j'ai pas craché dessus. Pour le coup, le gars, il va quand même comme un boucher. Même s'il le fait pas exprès, enfin, il fait pas gaffe à Cassie. Dégage. Cassie, il est tout grems aussi, hein. Ça va, c'est pas le plus grems de Strasbourg, hein. Mais bon, enfin, moi, ça m'a pas choqué non plus. Voilà. J'aurais pas mis rouge, mais ça va pas choquer. Mais disons, on s'en sort super bien sur ce match-là. Je cite un mec qui a mis un commentaire hyper intéressant sur le Stube, qui a dit, on a gagné alors qu'on méritait pas forcément, donc du coup, la saison est lancée, c'est là qu'on prend les points qui font qu'on marque du bonus. C'est gagner des matchs qu'on mérite, c'est normal. C'est toi qui as mis le commentaire? Ouais. perdre des matchs qu'on méritait de gagner, ça on sait faire. Ouais. Et donc là, pour une fois, genre, c'était un peu ambigu, machin, on méritait pas franchement, mais on gagne quand même. Ah putain, genre, on profite, hein. Bah pour moi, la réussite, elle est plus sur l'action hallucinante de Lens avec les deux poteaux que sur ce carton rouge. Alors, est-ce qu'il y a une question sur Matt Sells? Est-ce qu'il y a une statue pour Matt Sells? Où était la femme de Matt Sells le soir du match de Lens? Ah, mais ça, c'était avec qui, action exceptionnelle en plus. Elle n'est pas sur Alsace, elle pas sur. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que le mec touche les deux poteaux, ce qui est déjà très rare, et que ça retombe dans les pieds d'un Lensois qui est à quoi, 6 mètres du but, et qui arrive à le remettre sur Sells, quoi. Non, c'est le défenseur central. C'est là que c'est fou, c'est le défenseur central qui monte en mode fort à l'amo et qui finalement bute sur le gars qui dit non, tu passeras pas. Mais d'ailleurs, il est super fort, Sells, parce que depuis Marseille l'an dernier, il a récupéré son skills mur en béton armé qu'il avait perdu pendant un certain temps et qu'il a récupéré cette année contre Paris. Et depuis, en fait, quand tu es face à lui dans le but et que tu tires à bout portant, ça passe pas. T'as l'impression que c'est par balle, t'as l'impression que la balle va ricocher. Alors Stéphane Cassard nous avait dit il y a quelques semaines, il y a quelques temps, que Cesc avait pris vraiment de confiance lors de deux face-à-face qu'il a gagné contre Mbappé à Paris. Et ça lui a permis, entre guillemets, de se remettre dans le bain d'après sa blessure et de redevenir un peu le rempart qu'il était avant. Exactement. Que c'était son tournant de la saison. C'est deux face-à-face dont je ne me rappelle pas du tout d'ailleurs, contre Mbappé, qu'il a gagné. Et voilà. Et c'est ça qui a fait qu'on a retrouvé le vrai Cels d'avant blessure, d'avant Covid. Ce qui aide aussi au rendement des trois défenseurs. Exactement. Parce que la situation n'est pas la même quand t'as Kawashima derrière, qui a rendu de faire service. Il n'y a pas de souci. Avec son niveau. Avec son niveau. Et que tu sais que derrière, bon, c'est un peu compliqué quand t'as un Cels à son niveau. Tout de suite, tu te sens un peu plus en sécurité pour... Ça m'inspire quelque chose. Je me dis que quand t'as un Cels dans le but, et que par exemple un match que tu jouais éventuellement contre un voisin régional, et qu'éventuellement dans le but, il y a un ancien gardien du Racing Club de Strasbourg, et qu'éventuellement à la cinquième minute du match, ou troisième minute du match, il s'en va attraper le pied d'appui d'un attaquant alors que le ballon sort en corner. Oui. Il a fait tellement et là, tu te dis, ouais, donc ça te rappelle déjà des souvenirs, et tu te dis, vaut mieux avoir Cels, et que ça aide à gagner des matchs, et que effectivement, Cels, là, on est à un quart de la saison, on est tranquillement posé au milieu du classement, voilà. L'année dernière, on n'avait pas Cels qui a joué pendant les 4-5e du championnat. Et puis c'était pas le vrai Cels en plus qu'on avait après. Ouais. Et c'était pas le vrai Cels. Et voilà. Parce et donc, Mbappé, du coup, ce match de Metz, effectivement, quand tu démarres avec un penalty, mais cadeau. Ah, ouais. Mais cadeau de chez cadeau. Ah, c'est un cadeau. Et tu te dis merci Vukic et tu te dis, ouais, est-ce que ça s'est vu? Est-ce que ça s'est vu que c'était un ancien Strasbourg et qu'il nous offre le penalty au début de match? Je crois que ça commence à se voir. Ça, c'est l'ADN du club aussi. C'est l'ADN du club. Ça m'a fait tellement plaisir. Ils sont tellement reconnaissants d'avoir joué au Racing qui nous file des cadeaux par la suite. Mais, non, mais c'est Marco Doux. Tu vois, parce que tout a tellement changé, tu vois, depuis 2-3 ans. Ça, c'est tous les bouleversements. Mais il reste quand même. Il y a des choses. Mais il reste au Kidja, quoi. Tu te retrouves des petits réflexes. Tu le vois faire une sortie. T'as ce sentiment, tu vois, d'excitation et de peur en même temps. Alors, je sais pas ce que Stéphane Cassard a dit sur le face-à-face de Vukic avec Mbappé. Bon, alors c'était au poteau de corner, bon, c'est peut-être ça marchait moins bien. Bah, mais c'est Vukic, c'est une légende. Hein. Mais néanmoins, il reste apprécié des supporters messins, alors qu'il est peut-être un peu moins fort cette année, mais il reste apprécié et ils sont contents de l'avoir. Mais nous, on l'apprécie aussi, on l'a toujours apprécié, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, Vukic, c'est un mec super sympa. Mais je pense que c'est un vrai bon gars, il a juste signé à Metz et il est nul. Mais sinon, Il est pas nul parce qu'il se fait une carrière en Ligue 1 qui est pas déconnante. Quoi. Sur sa ligne, il est très bon. Son problème, ça a toujours été les sorties. Quoi. Mais il s'est pas. Je me rappelle un match contre Sochaux où il avait dégommé un mec. Il avait fait trauma crânien. Tous gars d'ailleurs. Ouais. Tous gars, c'est sur tous gars, il est sorti en dingue. Mais par contre, après, il plonge du bon côté sur le pénalty. T'as tout le monde qui a l'impression que c'est lui qui le sort alors que le mec le tire un petit peu mal. Mais quand même, c'est. C'est un showman. Et là, c'était le 12e Strasbourgeois sur la pelouse. Merci. Et t'avais ce côté un petit peu, tu vois, Vukic qui quitte Strasbourg, qui va dans les buts. Et à l'inverse, on a Diallo qui fait le chemin inverse, qui met son doublé derrière. Donc là, tu te dis, nous, c'était la régalade. Hein, c'était le cigare aux lèvres. Voilà. Première mi-temps, 3-0 à la mi-temps. Et non, mais c'était fabuleux. C'est dans les deux sens. T'as l'ancien qui te donne le pénalty gratos et t'as l'autre qui barque son ancien club le doublé et qui vient encore un peu chauffer la tribune. Parfait. On peut parler du doublé parce que... On peut parler de ce match. Diallo, vraiment, il est impliqué sur les trois buts vu qu'il fait la passe pour Lienard sur le premier et qu'il marque les deux autres. Mais les buts que met Diallo, c'est des buts que... On voyait des séquences sur les matchs amicaux. Quand il revient, quand il repique et tout ça... Mais le troisième but notamment où il a un sang-froid dingue où t'as la balle. Moi au stade j'ai l'impression qu'il rebondit trois fois sur la main alors que jamais. Le gars il a quand même le deuxième but, je suis persuadé aussi au stade. Il a de la réussite. Moi je suis persuadé qu'il y a main et moi je suis persuadé que le but est annulé. Pour le coup je suis au stade, je me dis bon j'ai célébré, je suis content parce que les Messins ils sont pris un nouveau but de Diallo même s'il est hors jeu, je suis content. Mais le hors jeu où il y a faute. Mais pour moi, il y a des mains. Et en fait, non, le gars, il a un contrôle dans la surface qui est fou. Et il le met parfaitement, quoi. Deux fois, nickel. Après, Braun, il est vraiment nul. Le défenseur Messin, et le match d'Ajorque aussi. Le match d'Ajorque. La louche est magnifique. Quoi. Alors, c'est festival, c'est régalade. C'est le seul bémol, parce qu'il faut en dire un, c'est la deuxième période où tu dis. Tous les contres, parce qu'on a donné quand même le ballon au Messin en deuxième période, et ça me paraît à la limite logique, parce qu'en deuxième période, tu dis, tiens, tu vas jouer les contres. Putain, à chaque fois, il y a eu soit genre qui voit pas Gamero, il y a toujours un petit truc qui fait que j'aurais aimé, tu sais, charger la barque. Le quatrième. Quatre buts au fond des caisses. Mais à part mais c'est vraiment pour la cerise sur le gâteau, quoi. À part Montpellier, où il y a eu de gros progrès, la complémentarité entre Ajorque et Gamero, qui sur le papier, et assez évidente, hein, le grand qui prend toute la tête, qui dévie, le petit qui joue la profondeur. Et ben, ce papier, c'est génial. Et jusqu'à Montpellier, où Montpellier, ça a mieux marché. Jusqu'à Montpellier, ça n'a pas du tout marché, quoi. Ouais, mais ça me surprend absolument pas. C'est un début de saison, t'as des gars qui jouent ensemble depuis un certain temps, et là t'as Gamero qui vient de gagner je sais pas combien de titres, machin, qui revient à Strasbourg, qui est déjà un petit peu genre hors catégorie par rapport au truc. Même lui, il faut qu'il s'adapte à ce niveau. Et il n'est pas encore prêt physiquement. Il joue quand même, il faut le dire, avec des joueurs bien moins bons que ceux avec qui il a joué des saisons précédentes. Quand tu joues à Séville, que tu gagnes trois fois la Ligue Europa, des choses comme ça, là, il faut quand même te farcir les belles gardes qui font 60 mètres de dribble et qui réussissent pas leur centre. Tu vois, ça fait partie de l'adaptation. Et je pense que Gamero, il a eu cette phase, ces 10 journées, où il a compris que, à un moment donné, il fallait qu'il s'adapte, tu vois, il fallait qu'il joue plus lentement par rapport à son QI foot, entre guillemets. Alors, j'ai une question, hein, parce que de GabMess87. Faut-il attendre la saison des vendanges pour voir à nouveau un but de Lionel Gamero? Ce qui était juste une question juste avant Montpellier. Voilà. Contre Montpellier, son but est magnifique. Et il est exceptionnel. C'est un but de pur attaquant de surface. Du coup, j'ai crochet. Il n'y a rien à dire. Il y a le contrôle où il se l'amène un peu, mais il ne vaut pas. Il y a le petit crochet externe et après, il y a la praline. Ouais. La praline, le ballon, il flotte, enfin, il ne bouge pas. Il est immobile en l'air et ras du poteau. Enfin, mais excentré en plus. Ah, si tu peux. Il est mis 5 défenses. Parce que fondamentalement, la construction du but à Montpellier, c'est un. Bon, il y a un ballon dans la surface. Ajorque la remet comme il met 50 fois, mais ça donne rien. Et en fait, il y a l'étincelle qui vient. Et du coup, je suis pas d'accord. L'étincelle est partie de Sissoko qui fait une superbe passe à York. Qui fait une passe qui brise les lignes. Gamero pour Sissoko, pour Ajorque, pour Gamero. C'est ça. Et c'est vrai que la conclusion, là, sur l'action à Montpellier, tu vois toute la classe du joueur et ce qu'il peut apporter. Moi, je voulais juste souligner quand même pour terminer sur le match de Metz que. On peut reparler de Metz. Bien. Non, mais juste pour terminer, c'est Stéphane. On pense qu'on veut du bonhomme, mais il n'a pas hésité pour l'instant à faire des changements, à faire changer ses titulaires. Il a essayé du Ajorque Diallo, il a fait même du Ajorque Gamero. Il a tenté toutes les combinaisons, les trois en même temps. Il a à peu près tout tenté ce qui était tentable. Et il cherche, on voit bien qu'il le cherche, et il se cache pas de dire moi je cherche, j'ai pas encore trouvé la bonne solution. Ça serait peut-être le Joël tenté. Oh là là. Ouais, peut-être qu'il aime la choucroute aussi. Mais voilà. Moi ce que j'aime bien c'est ce côté-là, c'est de se dire voilà, et que un match contre Metz qui est un match très important, tu peux mettre l'attaquant number one qui est le mec le plus connu de l'effectif sur le banc de touche pour démarrer le match. Et c'est surtout que Stéphane, contrairement à son prédécesseur, a abordé le derby comme ce que c'est, un derby. Il en a parlé comme étant un derby, alors que pendant 4 ans, enfin ou pendant les saisons où Metz et Strasbourg s'affrontaient, où Strasbourg affrontait Metz surtout dans cet endroit-là. Strasbourg était en Ligue 1, on va dire. Ouais, voilà. Mais c'est surtout que à chaque fois on disait non, c'est un match comme un autre. Non, c'est pas un match comme un autre. Non, franchement, quand on a gagné 3-0, on était tous ultra contents quand on est rentré chez nous, pour plein de raisons. Diallo qui marque un doublé, et surtout 3-0 en une mi-temps, où honnêtement, t'arrives au bout des 45 premières minutes, tu trembles de plaisir, tu frissonnes. Je te demande même déjà si c'est vrai. Autant il y avait des derbies qui étaient animés sous l'oreille, autant il n'a jamais dans sa communication abordé ça comme un derby, alors que les joueurs, tu sentais que c'était ça qu'il leur fallait, et que les Messins, eux, l'abordaient comme ça. Les Messins, eux, ils l'abordaient comme un derby. Quand Mollet, il vient, il monte son maillot. C'est quoi? C'est un derby, voilà. Je pense que Mollet, il a un problème avec le Racing. Lui, il a un gros problème. Mais c'est encore une transition que tu trouvais, parce que l'univers est bien fait. On peut parler à n'importe quel moment, on peut parler du derby. Au moins jusqu'à Noël, on a le droit, parce qu'effectivement, ouais, c'était un gros kiff. Après Stéphane aussi, il a là par contre il s'est acheté une espèce de dans Mario là, tu sais, il a grandi d'un truc. Ah, genre, si touche une fleur, l'étoile invincible, ouais, l'étoile invincible jusqu'à Noël. Là, le totem limité. Ouais. Moi j'aimerais bien le critiquer un peu comme Stéphane. Je relaye un peu des discussions sur le Stoub qui sont arrivées cette semaine, je crois. Stéphane d'émission, tu proposes tout de suite. Pas Stéphane d'émission, pas tout de suite, mais il faisait remarquer à ce Stoub que c'est un dernier entraîneur qui a quasiment lancé aucun jeune, en tout cas aucun jeune du Racing n'a eu entre guillemets de temps de jeu. Je parlais plus des Cordal, les Mohamed, ou je sais pas quoi, tous les petits jeunes derrière. qui n'ont pas eu de temps de jeu. Alors, même pas 5 minutes, 10 minutes à la fin. Alors que Stéphane, au départ, où nous avons tous dit, c'est un entraîneur qui lance les jeunes et compagnie. Et il a lancé exactement personne. Alors, il cherche avec son équipe, il cherche les placements des joueurs, mais il n'a lancé quasiment aucun jeune. Ouais, mais alors, le contre-argument, c'est de dire que Stéphane, je pense que c'est l'entraîneur qui change le plus. Quoi, par rapport à ce qu'on a eu les dernières années, par rapport à des, évidemment des Loret, même des Duguay Pérou, Stéphane, c'est pas rare qu'il fait 3 changements en même temps. Oui. Alors bon, il est bien aidé par le règlement qui l'autorise maintenant plus de changements, mais malgré tout, il n'hésite pas à truc. Et donc, si les mecs sont pas sur la feuille de match ou s'ils ne jouent pas, c'est tout simplement parce qu'à mon avis, ils sont juste pas au niveau. Peut-être. Hein. Tout simplement. Faire rentrer des jeunes pour des jeunes, tu vois, c'est comme faire jouer un Alsacien pour un Alsacien, tu vois. Mais il avait dit en conf que s'ils étaient pas prêts, ça servait à rien de les lancer parce que tu peux les griller aussi. Oui, mais Loret, on en a pas lancé tant que ça. Sur l'argumentaire du Stoup, c'est pas le mien parce que moi j'y connais pas grand chose. Il disait que si c'est pour lancer Waris à la fin qui ne fera rien, autant lancer un petit jeune de 5 minutes pour 5 minutes de jeu qui va un peu plus mordre dans le ballon et compagnie. Mais je suis pas sûr qu'un Waris ne fera rien par exemple cette année. Il fera pas grand chose. Il a pas fait grand chose pour l'instant, en tout cas. Mais en même temps, cet effectif, il y en a beaucoup qui reverdissent. Quand tu regardes un mec comme Sissoko, qui a régressé depuis sa première saison. Mais c'est devenu Beckenbauer d'un coup, là. L'entrée qu'il fait contre Lille. Excellente. Qui est excellente. Et le match contre Montpellier, où il est vraiment. Tu nous fais la transition sur le match. Exactement. Ah, magnifique. Mais c'est. C'est vrai que c'est un super pas but qui marque contre Lille. Contre Lille et. Mais Lille, il fait 10. Et d'ailleurs, on a marqué sur un corner. Oui. Mmh. Alors, attends, juste. Tiré au premier poteau. Question de Fabius67. Mmh. Sissoko Perisic semble avoir retrouvé un niveau de foot. Stéphane est-il un génie ou est-ce que Lorraine ne savait pas les utiliser? On peut parler de Lille. Allez, parti, go, parti, une minute. Non, ah non, ça c'est l'équipe de merde. Sissoko, effectivement, c'est assez impressionnant parce qu'on a plusieurs fois dit dans Radio Stube qu'il avait l'air perdu pour le foot, qu'il avait des godasses carrées et tout ça. Il a été extrêmement convaincant, notamment contre Montpellier, par cette capacité à se projeter, à briser un peu les lignes, donc c'est cool. Et à récupérer des ballons. Perisic, je suis un peu moins enthousiaste. Mais il rejoue au foot, déjà. Ouais, mais Perisic, on a toujours su qu'il avait ce registre. Bon, il est capable de jouer dans un petit périmètre, il a une petite technique et tout. Je l'ai pas non plus trouvé bouleversant. Je trouve que maintenant les gens qui disent que Aoulou est inférieur à Perisic, c'est peut-être aller un peu vite en besogne. C'est moyen plus. Mais Sissoko, s'il continue sur cette lancée-là, on va peut-être en faire quelque chose si les petits cochons. Par rapport à cette question, moi j'ai la réponse d'un éminent radio-stubiste, un certain Jean-Pierre Darky. Du sud de l'Alsace. Ah, oui. Par rapport à la question qui, je vous rappelle, est Sissoko Perisic semble avoir retrouvé un niveau de foot avec Stéphane, qui est un génie, ou Lorraine ne savait-il pas les utiliser? Réponse donc de JP Darky, que nous saluons. Thierry Lorraine est un génie. Il n'avait pas besoin de savoir comment les faire jouer, c'était à eux de s'adapter ou de crever. Ainsi soit-il, merci, bonsoir. Ça me semble clair. Hein. En fait, le truc avec Sissoko, c'est typiquement le côté face-off, volte-face de Lorraine. Où pendant la première saison, Sissoko était bon et il met un but incroyable à Monaco. Je sais pas si vous vous souvenez, cette frappe en première intention, pleine lucarne, tu peux pas la mettre mieux à Monaco, on les pète 5-1. Et moi j'avais l'impression justement que c'était un petit peu l'homme. En fait, Sissoko c'était un petit peu le baromètre de Loré en même temps que Mitrovic en fait. C'est-à-dire que si Sissoko était au niveau, Loré était au top. Et en fait, ces dernières saisons, il a décliné, mais un petit peu comme tout l'effectif, par rapport à plein de contextes. Il ne va pas accabler Loré non plus, mais Sissoko n'a plus progressé. Là, il y a un nouveau coach qui arrive avec une nouvelle philosophie, visiblement. Ça prend, et Sissoko fait quand même plutôt des bons matchs, même quand il était en défense centrale où c'était pas son poste. Il fait des erreurs parce que c'est pas son poste, mais il fait aussi des bons matchs parce qu'il est bon. Il n'était pas nul comme les saisons précédentes où on se disait que c'était un catcher qui on lui filait un ballon, il était bien payé, il est parti en fin de contrat ou pour 7 millions en Angleterre. Non, c'est un 15 millions, 15 millions. C'est un bon joueur, mais il a un problème. C'est les interviews. Là, je l'ai vu au match à Montpellier, qui est le dernier match dont on va discuter. Il a donné une interview, je pense, à l'après-match. Je sais pas si c'est la mi-temps. J'ai regardé que la mi-temps après. Et on a l'impression qu'il était sous l'emprise des opiacés depuis une vingtaine d'heures. C'était terrible. Il avait les yeux mi-clos, comme ça. Il était là. Il parle très distinctement. C'est très clair son discours. Mais il avait pas la gueule d'un mec qui est footballeur professionnel. Quoi. Plus l'impression qu'il avait fumé des pipes de crack et joué à la PlayStation toute la journée. Mais c'est bizarre que j'ai quand même l'impression. Tu dis ça parce qu'il vient de Brest. Les Brestois d'origine il a été formé là-bas. Ouais. Mais paradoxalement, c'est un mec qui a jamais triché aussi à Strasbourg. Enfin, tu peux dire qu'il est nul ou pas. C'est un peu comme Mitro. C'est un gars. Ok, il est mauvais, mais c'est pas un gars qui triche comme Lala par exemple. Enfin, Lala c'est un tricheur. Le Sissoko, il est là, il fait du mieux qu'il peut. Ça marche bien. Et quand ça marche pas, c'est Sissoko quoi. Mais il triche pas. Mais il prend peut-être des opiacés. Stéphane a dit on n'est pas une équipe de tricheurs. On prend l'argument qu'on ne trichera pas cette année. Il a dit ça après le match contre Lille, là où il a fait un peu de lèche au support. Et en plus, c'est magnifique parce qu'on est là, on est exactement sur le match de Lille. Tout à fait. On avait trois fois qu'on tente la transition sur Lille. Alors Lille, c'est quoi la grande déception Non, ils sont meilleurs. C'est champion de France. Est-ce qu'ils étaient vraiment meilleurs? C'était un match. Oui. C'était un match. Ils avaient plus de métiers, ça c'est certain. Ah, ça c'est sûr. Mais c'est un super attaquant. Est-ce que c'est pas un peu des... Est-ce qu'on peut dire gros fils de pute à la radio? Non, je crois qu'on peut pas le dire. Genre, ils ont quand même pas pourri le match. Bah, disons que venant d'un champion de France, c'était assez mesquin le côté où on tombe par terre et tout. Mais c'est, est-ce que c'est étonnant? Mais ils en avaient besoin. Mais ils en avaient besoin parce qu'ils sont pas au niveau. Le truc, c'est que t'as un mec comme Le Texier qui est tombé dedans à deux pieds joints. Pendant tout le match, alors Le Texier qui chope 8 dans l'équipe, on faut encore comment. Mais c'est même Fauvergue qui a dit ça, ouais. Mais très énervé sur Twitter, alors qu'il est des deux clubs. Hein. Ouais, non, Fauvergue il est plus lillois que strasbourgeois. Il est venu une saison, il est descendu. Ouais, mais il était pas mal. Ouais, c'était un des moins pires cette saison. Ouais, il est cool. C'était un bon joueur. Il avait donné le coup d'envoi. Mais c'est plus, il est davantage fan de Lille, même s'il a donné le coup d'envoi. Mais le truc, c'est que ce match-là, l'arbitre, c'est l'arbitre qui hystérise tout le débat en fait. Et c'est ce genre de match en fait que Strasbourg enfin, non, c'est pas l'arbitre qui hystérise tout le débat, c'est les joueurs lillois qui pourrissent le match, c'est les joueurs strasbourgeois qui s'énervent et là c'est déjà fort demandé à un arbitre de remettre l'église au milieu du village. Alors peut-être monsieur Colina il y arriverait en les regardant tous dans les yeux, alors monsieur Burt s'y arriverait. Ouais, parce que finalement il a fait quoi, il a mis un carton au gardien de Lille pour dire attention on gagne temps, ça s'est arrêté là, et il aurait pu sur des simulations de blessures dire aux joueurs j'arrête pas le match, tu restes par terre, tu vas et le jeu continue, et tu peux être garanti que quand le ballon il aurait été dans la surface de Lille, le mec au milieu de terrain se serait relevé comme un lapin, il aurait cavalé quoi. Donc il aurait pu faire ça, c'est à un moment donné il se doutait bien que ces mecs abusaient, et il l'a pas fait. Il a mis un 6000 cartons sur truc, et il nous a sorti je sais pas combien de minutes d'arrêt de jeu à la fin du match, et tout le monde s'est gargarisé en disant ah l'arbitre, parce que sur les actions décisives il a pas fait de tromperie. Le penalty de Djikou à 100% il y a truc, le carton rouge de Thomasson à 100% il y est quoi. Il a pas fait basculer le match, par contre, il a fait que la seconde période s'est limitée à 21 minutes de temps de jeu effectif. Mais c'est surtout que quand Ajorg s'énerve comme jamais, alors j'ai jamais vu dans cet état-là de rage quand il va vers le juge de touche, c'est quand même extrêmement rare et c'est quand même révélateur que les gars ils se sont dit à un moment donné, mais c'est un truc pour nous quoi. Ouais, c'est ça. Dans les tribunes, après, c'est forcément subjectif. Mais t'as quand même le sentiment à un moment donné que t'as tout qui est contre toi, ou alors que à chaque fois qu'il y a un Lillois qui se touche le pied et qui se roule par terre, la faute c'est ce que tu disais Rouliane, c'est un petit peu ça. C'est à un moment donné, il a été, il voulait protéger les artistes, ok, mais on a quand même Jean-Ricard Bellegarde. Voilà. Enfin à un moment donné, on a aussi les artistes. Mais nous on perd du temps aussi parce que nous on s'énerve. Cette action d'Ajorg elle est symptomatique. Je suis d'accord, c'est frustrant et tout machin etc. Mais quand il va aller brailler sur l'arbitre de touche, déjà il prend son jaune, et il participe aussi du fait qu'on perd 30 secondes ou une minute. Parce qu'il y a aussi 30 secondes ou une minute qui est perdue dans cette connerie. Ouais. Donc, on l'a vu des dizaines de fois, hein, depuis qu'on est remonté en D1, on se fait piéger à ce genre de truc, parce qu'on est souvent un peu comme ça à l'énergie, un peu au rupteur, et donc on est moins lucide, et donc effectivement, en face, t'as une équipe où ça joue clairement sur le métier. Je trouvais que c'était vraiment mesquin. La première période, c'était pas tant son métier. La première période, ils étaient quand même une classe au-dessus. Largement. On a pas trop vu le jour. On est presque content d'être 1-0 à la mi-temps sur une faute défensive clairement de Djikou. Mais il y avait déjà un autre face-à-face de David là. Donc tu dis 1-0 à la mi-temps, c'est vraiment pas très cher payé. Enfin, on est dans le truc. Le penalty en deuxième, putain, l'action quand tu la regardes au ralenti, putain, ça fait pim pim pim tic tac toe et il se retrouve dans la surface et l'autre il se fait emporter le pied d'appui. Encore une fois, voilà, ça a joué trop vite. Après, ils ont le symptôme du champion de France qui effectivement a pas fait un début de saison incroyable non plus. Et comme ils avaient gagné 2-1, je crois le match juste avant contre Reims, où ils avaient mené très rapidement 2-0 et ils se sont fait très peur avec Reims qui revient à 2-1 et ils ont plus rien fait. Et là, c'était pareil. La dernière demi-heure, ils ont commencé à se caguer dessus et se dire putain, si ça se trouve, ils vont revenir les cons, quoi. Ouais. C'est pas passé loin, mais ça prouve quand même, à mon sens, l'état d'esprit de l'équipe de cette année qui, globalement, lâche pas grand chose et que s'il y a moyen de faire, même quand ils sont moins bien, un jour où ça va pas, ou c'est une équipe un peu meilleure, s'ils peuvent, sur un malentendu, emmerder quelqu'un, ils vont essayer de le faire. Ouais, bon, avec la connerie de Thomasson au milieu de tout ça, Mais tactiquement, c'est le genre de match, parce que je sais que je suis pas son fan numéro 1 vu la saison dernière, mais tactiquement, c'est le genre de match que Loré réussissait mieux que Stéphane pour l'instant cette année contre les gros. Loré avait cette perception des gros matchs où il arrivait à comprendre très clairement comment les mecs en face allaient jouer et à les piéger à leur propre. Enfin, justement, l'an dernier, par exemple, contre lui, on se serait pas fait avoir comme ça. Parce que Loré avait cette science-là. On a pris 3 l'an dernier. Ouais, 0-3 non, là, mais les années précédentes, on ne perdait pas comme ça. On n'avait pas les mêmes joueurs, tu vois. C'est sûr que quand t'as un Gonçalves sur le terrain, ce genre de bouffonnerie, c'est pas la même chose, quoi. Après, Lille était au-dessus. Après, Gonçalves, c'est un moins bon footballeur que certains des gars qu'on a maintenant. Oui, c'est un mais, bon, à l'époque, du corps, quoi. L'époque de la première saison en Ligue 1, quand on avait encore les gars un peu The Expendables, là, les Blayac, les Gonçalves, c'est etc. Vrai, ouais. Niveau métier, intimidation, etc., on craignait pas grand-chose. Les Martinez. Ouais, c'était bien fou, c'est clairement une question de caractère. Là, cette année, il faut se recréer du caractère que le Racing a perdu les saisons. Enfin, le seul qui a un petit peu comme ça de prestance, de trucs qui en impose un peu, c'est Djikou, quoi. Les autres. Celts, il est pas joueur de chance. C'est ça. Quoi. Encore que sur le match de Lille, il était joueur de chance. C'est vrai. C'est magnifique. Hey, alors... C'est dommage qu'il soit pas gaucher. Péno. Ah, c'est n'importe quoi cette action. Mais s'il était gaucher, le centre en retrait, il arrive sur son pied gauche. Interprétation de l'arbitre, honnêtement. Enfin, franchement, quand j'ai revu l'action, je me suis dit, il y a faute. Ouais, mais tu sais pas pour qui, en fait. Il y a faute. Mais il y a tout le monde qui se prend partout. Et moi, honnêtement, oui. Enfin. Honnêtement, objectif, je vais pas forcément siffler. C'est-à-dire que c'est tellement confus que c'est ça. Ça peut siffler, mais bon, par contre, le but est marqué, le stade explose et Celts, il rentre dans la légende directement des joueurs de Strasbourg. Mais directement. Mais il y a des petits maths qui naissent 9 mois plus tard. Dans toutes les le soir du match, c'est parti. Le soir du match. 3 maths dans le Sungo 9 mois plus tard, 12 dans l'autre. Ouais, tous frères et sœurs, bien sûr. Mais ça, oui, comme tu disais, Roulien, ça manifeste l'esprit du Racing cette saison, qui est quand même totalement différent de ce qu'on a pu voir, notamment la saison dernière, en fait, avec. C'est quand même, pour certains, quand même les mêmes joueurs. Il y a pas à tous les postes, il y a enfin, c'est surtout en défense centrale en fait qu'il y a pas les mêmes joueurs. Sinon le reste de l'effectif c'est quasiment les mêmes. Hein. Donc il y a quand même un autre esprit et ça s'est matérialisé notamment contre Montpellier. Exactement, Montpellier. Alors pas de question sur Montpellier, je crois, mais on peut. Alors Montpellier déjà un match le samedi à 15h, ouais. Ah si, il y avait une question quand même d'Yves Vecchio sur le LOSC. La défaite contre le LOSC n'était pas la défaite de trop. Stéphane aura-t-il l'honneur de mettre la trêve internationale à profit pour démissionner ou Marcoune prise enfin le nouvel entraîneur? Quand t'as remis 9 matchs avec le même entraîneur, c'est contraire à la du club. Donc là, je vous donne rendez-vous pour le Stéphane démission juste après Montpellier. Petite passe de pub pour les transports Loulou-Nicolin, votre poubelle. Alors Marseille et Loulou, qu'est-ce qu'on en pense de cette grève des éboueurs à Marseille? Bah, quand même. Justement, je pensais que Loulou devrait aller un petit peu à Marseille. S'occuper du club de Naples, mais français. Mais les deux, il devrait reprendre les deux. Oui, ouais. C'est méchant pour les Napolitains. Alors oui, donc ce match à Montpellier. Le Naples comorien, le Naples arménien, le Naples corse à la rigueur. Mais... Ah, d'ailleurs, on avait une question sur la communauté arménienne de Marseille. Ah bon? Non, je ne crois pas. Si, on en a débattu la semaine dernière. Mais c'était les supporters arméniens de Valence, ça n'a rien à voir. C'était les Non, mais d'abord, c'est parti des supporters arméniens de. Donc il y a une grosse communauté aussi arménienne à Marseille. Tu parles de tout à fait. Bogossian. Mais il y a des communautés de tout à Marseille, c'est du. Oui. C'est quand même très. De temps en temps, il y a un français. Il y a même une communauté française. C'est vraiment très très cosmopolite. Donc. Mais on revient à Marseille qu'on n'a pas encore joué pour notre plus grand plaisir, mais bientôt. Avec un parcage vide. Un parcage vide et des Marseillais partout. Et surtout, ils sont suspendus jusqu'à. Ils sont suspendus jusqu'au 31 décembre de parcage. Donc comme on joue Marseille le 12 décembre. 12 décembre. C'est en semaine. Et aussi suspension bien sûr de parking. Si vous avez lu le truc expérimentation genre où on ne pourra pas se garer autour de la maison. On verra. Oui. Demande à voir. Ah. Et c'est une décision qui vient d'où ça? La mairie, je crois. La mairie. Enfin, le parcage ou le parking? Le parking. Non, le parcage, je sais. C'est Madame Barseguian. Ah, on ne sait pas. Arménienne. Eh ben voilà, boucle est bouclée, voilà. Donc, revenons au Montpellier. Elle n'est pas originaire de Marseille. Oh, ah, pas sûr? Ah, j'en suis sûr, si. Ah, Fred, j'ai mes sources. n'allons pas trop vite. Ouais, sur Montpellier, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, Montpellier, c'est le match de Ligue 1 classique, deux équipes qui sont au milieu de classement. Pas trop mal. Bah, pas trop mal, mais trop classique. Non, mais moi j'ai trouvé pas mal, un partout, les deux équipes. Sport, ont, mais les deux équipes ont été. Bah si, parce que c'est une équipe, c'est deux bonnes équipes de Ligue 1 qui se rencontrent et qui font un partout et c'est normal. Bah le score est classique, mais en revanche c'est un petit peu à l'image de cette saison où ça joue quand même plus dans surtout les stades. Et c'était quand même assez plaisant à voir parce que Montpellier-Strasbourg, ça fait partie des matchs qui tombent dans l'oubli. D'habitude, le Montpellier-Strasbourg, on fait un la première saison. Honnêtement, vous vous souvenez de quelque chose? Moi, je me souviens. On a fait une passe de Martinez. On a fait Ali à marquer. Oui, une passe de Martinez pour ça. La deuxième saison, on marque le but de Motiba la dernière seconde. Mais le match. Motiba. Sur un sans de Zoé. Mais on marque à la dernière seconde. Le truc improbable. Hein. Mais c'est improbable. Mais le match, il est nul. On n'a pas fait 4-3 l'an dernier. Zoé, c'était à Guingamp. L'an dernier. 3-2 ou 4-3. On a fait 4-3. 4-3, ça s'oublie pas. Mais on est nul. Et on fait 4-3 alors qu'on doit perdre 6, je sais pas combien. Non, pour une fois, c'était agréable vraiment à suivre de bout en bout. Tu fais, ah, mais. Ok, il manque la lucidité dans le dernier geste. Ouais. Comme d'hab. Bah, surtout côté Montpellier, hein, parce que bon, c'est vrai que nous on a eu quelques occasions, mais Montpellier, ils ont d'énormes. Ouais. Valère Germain, il a quand même d'énormes occasions. D'ailleurs, Gamero s'est adapté au jeu de Bellegarde, ratant ses centres à la fin du match. C'est vrai, exactement. Dommage, par mimétisme. Voilà. Bah, c'est sympa, c'est son côté altruiste. Ouais, exactement, il s'adapte au niveau de l'effectif. Ouais, c'est bien adapté. Mais c'était mais par contre ouais, tu disais le but dans la conception celui de Gamero et qui fait tout, oui le geste est incroyable, par contre justement dans la conception récupération haute et Sissoko contrairement aux années précédentes tu lui aurais envoyé probablement un ballon en touche ou un truc comme ça, là il fait une passe extrêmement précise et à Jorque, bah, on connaît le talent quoi, et cette année j'ai l'impression qu'on mise plus sur le talent des gars, ça joue beaucoup plus au sol et finalement c'est pour le mieux quoi. Et quand ça joue en l'air, c'est pour la bonne cause, comme contre Metz, le deuxième but, quoi, enfin, le Diallo. Bon, il y a quand même encore beaucoup de ballons en l'air qui ont tendance à rebondir un peu. Oui, surtout. Bon, ça reste la Ligue 1. Mais bon. J'étais enthousiaste, mais ça reste la Ligue 1. Non, mais on peut s'enthousiasmer. Non, mais le match de Montpellier était intéressant dans le sens où on tient pas mal, quoi. Enfin, c'est comme contre Brest où on avait fait une performance défensive plutôt correcte, alors que l'an dernier, ce qui nous flinguait quand même énormément, c'était qu'on savait pas tenir un score, quoi. Là, on y arrive un peu mieux. Mais alors, j'ai une question. Est-ce que dans quel état d'esprit vous étiez pendant le match? Parce que pour une fois, j'étais extrêmement serein tout le long. Je me suis dit, pas du tout. Ah ouais, ouais, non, moi j'avais les voisins qui étaient venus et il y avait le fils du voisin, il était chiant. Vraiment, non, j'étais pas serein du tout quoi. En plus, je crois que j'étais en rate de bière. C'est les voisins du haut. Ouais. Ouais et, du coup, j'étais pas serein du tout. C'est le fils à qui c'était mon état d'esprit qui n'avait rien à voir avec le match. D'accord. J'étais pas parce que pour moi, sur le contexte du match, j'imagine que je tombe en rate de bière pendant le match. Mais justement, c'est là où on se dit, il y a une vie à côté du Racing. C'est parce qu'en fait, le Racing nous rend, enfin, cette année me rend serein. J'ai l'impression qu'on a les résultats qu'on mérite, en fait. On mérite de faire confiance. Le petit véhicule là, c'est ça. Que, vas-y. Sans rapport à Bagarre, je dirais pas jusqu'à dire que le Racing me rend serein. Hein, je pense qu'il m'a jamais rendu serein. C'est pas ce que je lui demande d'ailleurs. Hein. Après le match à Montpellier, c'est aussi simple. Si on ne gagne pas derrière contre Saint-Etienne, il aura servi à rien. C'est toujours pareil. Il y a tout ce côté. On a fait un beau match de Ligue 1 et compagnie, mais un match nul, il est utile uniquement si on arrive à gagner derrière contre la rencontre contre Saint-Etienne. On est foutu de se. On est foutu. Très bien qu'on est foutu de lancer Saint-Etienne. Alors le Racing d'avant. Mais est-ce qu'on est sur le même Racing? Ça, on ne sait pas. Ah, tu peux pas fouler au pied l'ADN d'un club. Par contre, vous pouvez fouler au pied Saint-Etienne. Oui, mais il y a de fortes chances qu'on les foule au pied. Non, je te mettrai pas ma bière. Ils vont marquer un but dans un silence de cathédrale. Alors déjà, je te le fais tout de suite. Ils vont gagner le toss. On va attaquer dans le mauvais sens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc? Il y a Chris Neudorf qui l'a noté. Il n'y a pas fini de question. Il a noté quand on n'attaque pas côté route de Colmar en première mi-temps, c'est pas la même. Ah non, bah ça, c'est historique. Hein. Ah mais non, justement, mais non, on va faire. On a gagné. Pas, d'habitude, c'est quand on attaque vers le COP en deuxième mi-temps qu'on est meilleur. Et là, ouais. Cette saison, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah ouais. Cette saison, on gagne contre Brest. Brest, en attaquant Lille côté COP la première période. Lille, on perd. Par contre, on s'offre une fin de match exceptionnelle. Ouais. Mais contre Metz, la meilleure période, c'est la période où on attaquait contre le COP. Deuxième période était pourrie. Mais on a fait le match la première période. Mais sous Louré, je crois que statistiquement, on n'arrivait pas à gagner quand. quand on attaquait contre le COP. Déjà... Alors là, j'ai une vraie question. Il y a un truc que je voulais sortir depuis des années et tu viens de me le dire, Loré Bantouche. Loré est quand même l'entraîneur qui a fait inverser les Bantouches. Personne ne l'a dit à Stéphane. Est-ce qu'il est obligé de continuer dans cette... Mais... Tu sais que Loré avait dit ça, que c'était juste pour le bruit, pour... Non. Les explications de Loré étaient rationnelles à ce moment-là. Il avait dit qu'il a changé de Bantouche parce qu'il était plus près du juge de touche pour lui mettre la pression sur le juge de touche qui était de l'autre côté. C'est juste pour ça. Il avait dit, une fois il est devenu local à la Fédé, il avait dit, si moi j'ai changé de côté, c'était pour mettre la pression sur le juge de touche parce qu'il est devant lui. Et c'était pour ça l'explication rationnelle. Là, je suis déçu. C'est comme quand t'as un tour de magie. Là, tu me dis, moi, je pensais que c'était un truc beaucoup plus mystique, je sais pas, en rapport avec les étoiles, l'alignement des planètes et tout. Et là, tu me dis que c'est juste simplement pour pouvoir foutre la pression sur le. Exactement. Ouais. C'était l'argumentaire de Loré. Ou alors il ment pour te décevoir, mais ça, je sais pas. Ça, c'est IP, est-ce qu'on voit là? C'est IP. C'est. Je suis un peu cassé l'ambiance, je suis désolé, mais. White India Pay. C'est white. Ouais, mais c'est pas ça que je cherchais, c'était Cyrus. Le BU, c'est. IBU, c'est 23. Oh, pour les spécialistes, IBU 23. Bon, moi, j'ai terminé mon cylindre. Hein. Voilà, donc du coup, on a fait un peu le tour des matchs. On a des questions. Le Racing a sa place, hein, ce que disait Rouyane. Hein. Mais est-ce que le Racing est vraiment. C'est pas une excellente transition, parce que moi, j'ai envie de dire, Stéphane. Démission! Voilà, Guy Stéphane. Est-ce que ça peut encore continuer? Guy Stéphane. Bon, Guy Stéphane, c'est comme Didier, hein, c'est dehors. Ouais, c'est dehors. Est-ce que ça peut encore continuer? Moi, j'ai un avis très. Pour moi, c'est la guillotine directement. Il ne respecte pas l'ADN du club. Il gagne contre Metz. Déjà. Le mec, il s'installe, il essaie de trouver une tactique qui marche à tous les matchs, il fait des changements. Ouais. Il fait des changements, le mec. Avant la 85e. Est-ce que c'est l'ADN du club, ça? Pas du tout. Dégage. Il fait Gérard Rédéa, là. Quel est le dernier mec à avoir fait des changements au Racing? Gilbergas? Papin, non, il en faisait pas mal. Papin, ouais. Pascal Janin. Avec Gastine. Papin, il porte le cercueil à Bernard Tapie. Hein. Ouais. Un peu de respect. C'est vrai? Nana. Ouais. Aujourd'hui, de la porter. Hein. Avec Borloo, quoi. C'est le binôme. Jean-Pierre Papin et Jean-Louis Borloo. C'est Kaboulax, quoi. C'est Bourouchaga reconstitué. C'est ça, OMBR reconstitué. Bourouchaga n'était pas dispo, c'est ça. Christophe Robert, surtout. Si Christophe Robert avait planqué le cercueil de Bernard Tapie dans son jardin, ça aurait été quelque chose. Non, il s'est enterré dans le Glassman. C'est ça. La petite minute Tapie qu'on salue, hein. Voilà, bref, on s'en fout. Oui, Guy Stéphane, Guy Julien Stéphane, là, ça va pas. Ça va. Déjà, au niveau de l'habillement. Un peu premier de la classe. On dirait, c'est quoi? C'est pas Marc Keller? Le mec, j'arrive au Racing, je m'habille comme Marc Keller? Marc Keller, mais en plus. Comme le boss, quoi. Ouais, le boss, quoi. Genre, ça change déjà. Tu vois, quand Keller va mourir, qui c'est qui va porter son cercueil? Le mec sera incinéré, c'est moins cher, mais. Bah, Pierre Ménès, mais tout seul. Tout seul. Ça change un peu des habits casuals de Thierry Loré. Oui, voilà. C'est sûr qu'il y a moins de stone, là, mais il faut tout le monde à un coup, quoi. Après, on l'a pas vu s'énerver encore. Quelqu'un a vu s'énerver Julien Stéphane? Mais il y avait pas de raison de s'énerver. Alors que Loré, il a pris un jaune contre Lille, hein. C'est ça. Oui, mais sauf qu'en fait, moi, je pensais que c'était le Lillois qui avait pris jaune, et en fait, non, c'est Stéphane qui braillait à propos d'un gain de temps. Mais c'était, non, on va pas revenir sur l'arbitrage de Lille, mais oui, il sait s'énerver. Et c'est un gars, quand même, qui a mené, Rennes en finale, au titre de Coupe de France, quand même, ils sont champions. C'est un gars qui a quand même la flamme, la passion. Non, passionne. On n'est pas Chilavert, tu vois, on va pas dire champion de la Coupe de France. Champion de la Coupe de France, ouais, mais bon, après, il est paraguayen, il a pris le français en deux jours, donc. Moi, je sais pas, Stéphane, pourquoi pas, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu scolaire. Dans la personnalité, j'aimais bien Loré, quand même. Mais Loré, c'était un peu plus le mec en jogging sur le bord du terrain. Ah, mais Loré, au début. La nostalgie de Loré, je peux la comprendre, mais à un moment donné, enfin, moi, il m'est sorti par tous les trous de nez, et là, je me dis, mais en fait, c'est vrai qu'il y a le paradoxe avec Stéphane, qui est vraiment premier de la classe, et extrêmement lisse, en mode Marc Keller. C'est clair que Loré, c'était pas le premier de la classe, hein. C'était pas son style, il cherchait pas à l'être. C'était le mec qui était d'accord avec rien. Mais est-ce qu'il prendra pas ses aises à un moment donné où il se dira. Peut-être qu'il lâchera une caisse en conférence de presse. Je pense que c'est vraiment son style en plus. Ça, je vais rester fort. Mais ouais, mais je sais pas, peut-être à un moment donné il va être un peu plus punk, il va se faire une crête. Voilà, il va lâcher la Gomina pour. Si on arrive en finale de la Coupe de France, je pense qu'il y a moyen d'imposer des défis. Ouais. Non, mais je ne doute pas de sa compétence. Mais c'est vrai que ça participe de cette stratégie de normalisation, quoi. En 4 ans, on est passé de la bande Loré, Martinez, Gonçalves, les expandables, ah, mais, ouais, mais... t'as du Julien Stéphane, du Sanjin Persic, le Marchand, le Maxime Le Marchand, c'est bien, hein, c'est plus professionnel, ça marche mieux, ils sont sans doute plus compétents en termes de football. Mais il a gardé Lénard. Il a gardé Lénard, c'est quand même un choix. Il a mis capitaine. Ouais, mais ça c'est... C'est de la com. C'est comme dans les bars qui se gentrifient. Il y a toujours, tu gardes toujours l'alcoolo de service pour quand même faire genre, ah, vous avez vu, on a un vrai bar, on a mis qui enchaîne les blancasses depuis 10h du mat, mais ça n'empêche pas que par ailleurs, tu vends des putains de spritz à Pérole, tu vois. C'est une très très belle métaphore, mais c'est absolument ça. C'est vrai. Est-ce que Strasbourg se gentrifie? C'est vraiment la question. J'attends les spritz à Pérole dans le Cop Copine, hein. Dans le Cop? Avec les Racing Girls? Ah oui, il y a Racing Girls, j'ai vu ça aujourd'hui. Non, on aura plus d'infos sur les Racing Girls, ça c'est... On enverra Fred prendre la carte de membre. Non, déjà moi je vais vous laisser, je vais aller relancer un peu la croissance française, je vais aller travailler. C'est la France qui travaille, la France qui se couche tard. La France qui travaille, exactement. Gloire à toi. Qui se couche pas. Merci, exactement. Gloire à toi. Et je vous laisse finir les bouteilles tout seul. Oh, non, c'est pas la bouteille de... Ah si, quand même. Je vais la finir. Un petit cul sec, hein, on part en pépite, ça va être. On pourrait faire aussi un truc, genre le Racing Stoop Pompette, tu vois, où là vraiment on boirait des shots de vodka avant chaque question. Ça, c'est peut-être un conseil. En public aussi, je pense. JP Darky m'en a parlé. Et, c'est ça. Ouais, bah, il faudrait qu'on se fasse sponsoriser par une marque, je pense que c'est ça. Alors, on peut trouver une marque d'alcool. On peut trouver une marque de radio qui s'appelle RMC, où c'est leur fonds de commerce. Bon, fais-nous une petite question. Oui, alors parce que là, j'ai des questions quand même importantes. J'ai des questions sur l'ambiance. Il y avait des trucs super techniques sur les coups de pied arrêtés. Ouais, la tactique sur les coups de pied arrêtés. Alors, c'est Gibby. Gibby ou... Gibby. C'est comme le whisky. Gibby. Gibby. La technique sur les coups de pied arrêtés. Quel tireur? Qui sait mettre un coup franc direct? D'ailleurs, que dans le mur? Qui sont nos bons joueurs de tête? Ah, alors on a appris quelque chose à la réunion du staff, hein, Fred. Tu étais présent. Dis-nous avant de partir. On a appris que si on ne marquait pas sur les coups de pied arrêtés, c'est la faute à comment il s'appelle nouveau l'entraîneur adjoint. Rudy, non? Non, pas Rudy, l'autre. Le Cornet. Ah, le Cornet. C'est le Cornet qui est en charge de tous les coups de pied offensifs. Et si on ne prenait des buts, c'est la faute à Stéphane Cassard. Stéphane Cassard qui est en charge de tous les placements des joueurs sur les coups de pied défensifs. Et ça pour chaque match. Ah oui, donc en fait si marche... il veut faire briller ses gardiens, donc voilà. Il met des placements. Donc il partait du principe que Stéphane Cassard, comme c'est un gardien avec une conception de gardien, il sait mieux placer les défenseurs par rapport aux attaquants. Donc si on prend des buts, si on marque des buts, c'est pas de la faute à Stéphane. Non, c'est la faute à... Si c'est la faute à Cassard ou la faute à... Ça sent le post-Linkin, la magie de la délégation. Si on marque des buts, c'est quand même grave. Par contre, quand on gagne, c'est grâce à lui. Et sur ce, je vous laisse. Merci d'être venu. Merci pour cette information technique. En plus, on a des petits bonbons pour après. Merci Fred. Claque la porte en sortant. Un peu de GHB, c'est parfait. Mais c'est un peu le problème de cette année, c'est que Lienard, il a... Mais oui, c'est le problème. Qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? C'est le problème. Ouais. On a marqué sur un corner, on a marqué un coup de pied arrêté sur 17 buts. Mais il y a Mitrovic qui a mis sa tête contre Marseille, je crois que c'est vraiment le dernier but sur coup de pied arrêté, et avant ça, il a fallu attendre encore pas mal de temps. Ouais, mais les premières années, on en mettait pas mal. Oui, mais en Ligue 2... J'ai une réponse sur une partie, sur la moitié des matchs. Sur la moitié des matchs, quand Lienard joue pas, c'est qui tire le plus pire? Bellegarde. Voilà, t'as dit la réponse. Est-ce qu'il sait faire une passe décisive? Alors déjà, il y a un truc qui m'a choqué, c'était déjà le cas avec Lille et Montpellier, c'est qu'on tire les coups de pied arrêtés sortant aussi. Toujours. Ouais. Jamais rentrant. T'as Gilbert qui se retrouve à tirer des corners du coup côté droit. Ouais. Donc sortant. Et inversement, Lienard s'est retrouvé à tirer des trucs à gauche, donc sortant aussi, et j'ai pas compris. Enfin, un corner, c'est rentrant, quoi. Mais le gars, le jour où il fera une passe décisive sur un coup de pied arrêté, voilà, on le dira à Radio Shtoum, mais je pense que peut-être que ça sera peut-être pas pour cette saison. Mais alors que il est comme il est, notre ami Lienard, c'est vrai qu'il a pas été en réussite, même si sur le corner contre Lille, c'est un corner qui vient de sa part contre Lille et qui est dévié et que ça donne le but, donc on va dire que c'est une semi-passe décisive. Ouais, globalement, il en a quand même fait un paquet des passes décisives sur coup de pied arrêté, et cette année, ça marche un peu moins bien. Alors, il faut peut-être s'en inquiéter ou s'en féliciter qu'on marque un peu plus dans le jeu et moins sur les coups de pied arrêtés. Est-ce qu'on joue plus? Ouais, mais c'est encore poussif. On se crée pas énormément d'occasions, on est relativement réaliste. Ouais. Mais c'est vrai que ce truc des coups de pied arrêtés qui nous a quand même pas mal porté, ça manque encore. Il y a 3-4 ans, manque un peu cruellement. En Ligue 2, c'est ça qui nous fait monter. Ouais. Parce que finalement, c'était toujours la même séquence, c'était centre, corner de, en fin de saison, c'était ça. C'était corner de Lienard, tête de Blayac, but, et ça nous lance le match. Mais c'est vrai que là, depuis quelques saisons, Lienard n'est plus aussi efficient. Et on marque plus de coups francs direct non plus depuis que Lienard n'est plus Messi. Ouais, le dernier c'était contre Nîmes. Bah, Messi n'est plus Messi, donc c'est difficile. C'est vrai. C'est et tant de choses ont changé avec le Covid. C'est vrai que c'est vraiment dommage qu'il remette plus de coups francs direct parce que c'était quand même sympa. Bah il a failli en mettre un très très très très beau contre je sais plus qui à la Méno, mais un truc qui passe vraiment contre Metz où ça passe à vraiment pas loin en deuxième mi-temps, un truc enroulé qui passe vraiment au ras du poteau, mais sinon un coup franc direct, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu contre Nîmes, je pense. Ouais, le truc monsieur était magnifique contre Nîmes, il avait fait un match de Golgoth, Lienard. C'est bien parce que Nîmes ils sont les deux et comme toutes nos victimes préférées comme Toulouse, Metz. Bon, Toulouse risque de plus rester en Ligue 2 malheureusement. Bah, il y a notre némésis préféré aussi. Amiens, c'est vrai. Ceux-là, ils me manquent pas, tu vois. Ah non, pas du tout. Non. S'ils pouvaient descendre en cours de deux divisions, comme ça, on est sûr de... Oui. T'as une question qui te plaisait? Ouais, celle-là, j'aime bien, de David 97. David 97, qui, à mon avis, est né en 79. Pourrait-on disposer des coordonnées de la mutuelle de l'Ebo Motiba? Peut-on vraiment encore envisager de le voir redémarrer la tronçonneuse? C'est pas la tronçonneuse, c'est le groupe électrogène qui démarre. Oui, tout à fait. Correction, merci. Et puis les Bobotiba, c'est même plus de la Chkoumoun, là, je sais pas quoi dire. Moi. C'est quoi? Je sais pas, il a la maladie. Maradou. Il a été marabouté. Il a chopé la Boubacar Kébé ou la. On en avait pendant longtemps des joueurs comme ça. Souvenez-vous, Victor Correa, le mec. Émile Gargorov aussi. Comment s'appelait le mec qui avait chopé? C'était Correa, un mec qui arrivait. Staphylococque. Ouais, c'est Correa ça. C'est Correa. Ouais, mais qui a jamais joué en plus avec le Racing. Si, il a joué une fois un match pourri contre Evian. On en parlait justement. Oui, en Coupe de France. Coupe de la Ligue. Là, c'est incroyable. C'est dès qu'il peut revenir, en fait, il revient pas. Alors là, c'est une alerte. Donc ça veut dire qu'il y en a pour 6 mois. Mais non, c'est dommage. C'est dommage parce que c'était quand il arrive. Honnêtement, il nous fait tellement de bien. Il marque, il tire 8 fois, il marque 8 buts. On parlait de Montpellier. Il y a 2 saisons où il met ça, où il y a 3 saisons. Sur une pute, une passe. Une pute. Une passe de Camisoli. Et un gros coup de pute à Montpellier du coup, mais oui, c'était un attaquant qui était quand il est arrivé, il était incroyable. Trois matchs j'étais encore là. Il était incroyable. C'est vraiment triste en fait qu'il ait fait. Moi j'y ai cru que c'était l'anti-Sanson, tu vois, parce que quoi, il s'était laissé pousser les cheveux, c'est là où ça commençait. Il s'est laissé pousser les dreads et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se blesser. Oui, il avait la coupe à peu près d'attente. Et là, il s'est recoupé les cheveux là récemment. Ouais. Et donc il revenait, il était dans sa phase de reprise. Ouais. Et tu dis l'anti-Sanson, il se coupe les cheveux, le mec il revient bon quoi. Ouais. Et non. Alors, c'est pas. Et là du coup c'est déchirure quoi, c'est l'ischio de nouveau. Donc une déchirure à l'ischio, t'as au bas mot entre 4 et 6 semaines, et après t'as de nouveau réathlétisation machin, et généralement c'est dans cette phase-là où le mec rechute quoi. Sur des terrains lourds. Donc là, si tu dis 6 semaines, ça te remet mi-novembre, et le mec il revient, on va pas le faire revenir pour le 15 décembre, c'est la trêve, bientôt. Donc en fait ça veut dire que tu le vois pas avant la trêve. Ouais, avant qu'il se reblesse, ouais. Bah, il peut se tirer la main à Fila, qui lui s'arrache l'adducteur. Fila est blessé alors. Mais il se déchire l'adducteur. Ouais. Et là du coup, il déchire l'adducteur. L'avantage c'est qu'il jouait plus, mais. Ouais, mais c'est le seul latéral qu'on a recruté. Alors, je crois qu'il y a une question sur Carole Fila. Bah, si on peut la poser. Il était pas mal ce petit Carole Fila, non? Ouais. Avant de. Ouais, avant. Il était intéressant, il parle pas un mot de français ni d'anglais, donc c'est compliqué pour lui de s'intégrer, mais au niveau foot, c'était pas trop mal. Hein. Ça, c'est un changement par rapport à l'oreille. C'est un des principaux changements par rapport à l'oreille, oui. Parce que finalement. Le marchand, il parle français. Enfin, on a quand même pas fait un recrutement hyper exotique. Non, mais du coup, là, on a pris un mec. Bah, tu vois, un gars, on parlait et pensait à tort du coup, mais Mohamed Kudus qui signe à l'Ajax ensuite pour 9 millions alors qu'on aurait pu l'avoir pour 2,5. Putain, à un moment donné, il faut arrêter d'être con, quoi. C'est un peu ça que enfin que les gens reprochent à Loré aussi à un moment donné. C'est bien de s'entourer de Français, tu vois, mais bon, enfin tu. En tout cas, notre ami là, moi ce qui m'a fait un peu mal, c'était quel match où il a pas démarré alors qu'en fait il y avait pas derrière, il y avait Gilbert était au repos, il y avait Cassie joue arrière droit. Ouais, et Cassie joue arrière droit. Bah, c'est contre Lille. Et là tu te dis ouais, donc ça veut dire que t'es vraiment pas dans la starting list, t'es loin quoi. Mais il avait dit Stéphane au début de mercato qu'il cherchait enfin que Fila était la doublure d'un éventuel latéral plus expérimenté. Oui, mais c'est Gilbert. Qui n'est jamais venu. C'est Gilbert. Gilbert, il avait fait une très bonne demi-saison l'an dernier, mais il est pas non plus rayonnant depuis qu'il est revenu, quoi. Il y a des bons moments, il y a des moments qui sont plus. Il est pas aussi rayonnant encore. Ouais. C'est le syndrome du retour, quoi. Oui, exactement. C'est très très rare que t'as un mec qui revient et qui. Qui soit plus fort que la première fois, ouais. Mais après, Gilbert fait vraiment le taf. Il est ni bon ni mauvais. Il rend la défense beaucoup plus solide que ce qu'a pu faire Lala sur la fin. Finalement, est-ce que c'est pas tout ce qu'on lui demande? De toute façon, on pouvait pas ne pas faire Gilbert. Je pense que quand le mec a appelé Marc Keller pour lui dire, écoute Marco, ma femme elle a dit on revient. Marco a été très sensible à cet argument. Ma femme a dit. Ouais. Non, je pense que là, genre le mec il dit, il a envie de revenir, alors que. Presque unanimement, on disait que il était inaccessible parce que c'était pas dans les standards du Racing au niveau financier. Un mec qui veut revenir, on le fait. Après, c'est comme Gamero. Quand Kevin Gamero t'appelle, te dit, OK, je suis au 5 de Gaïs Paulsheim. Non, c'est à Mundo. Je suis au 5 de Mundo. Écoute, viens, on parle foot. Marc Keller, il peut pas dire j'ai refusé Gamero. Je pense que c'est pas un truc en tant que président que dans tu peux dire dans ta vie. On l'a vu contre Montpellier que ça valait le coup de le signer juste pour certaines actions, tu vois. Enfin là, j'espère qu'il va nous en faire quelques-unes encore. Et je pense que si avant que Lionel Messi signe je sais plus où, au PSG, voilà, c'est ça. C'était le coup du mercato. C'était le seul truc un peu intéressant. En Ligue 1, ouais. Ouais, moi j'ai cette anecdote en vacances. Où j'étais au marché de Biarritz, acheter du saucisson, et avec mon maillot du Racing, forcément, et je vais boire une bière. Jusque-là, tout va bien. Le serveur arrive, il voit le maillot du Racing, et il me dit « Kevin Gamero ». Alors que un an auparavant... Et tu dis non, je suis gigos. Ouais. Un an auparavant, le mec aurait vu mon maillot du Racing, il m'aurait dit « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» Alors que là, le seul truc dont on parlait un petit peu, c'était Gamero, et donc on a fait... C'était un peu le buzz. Plus, moi je pense aussi qu'il va vraiment remplir son rôle, même si c'est plus le Kevin Gamero d'il y a 14 ans. Ouais, mais tu vois que sur l'action de Montpellier, où ça transpire la classe quand même, cette action-là... il suffit de pas grand chose où tu l'amènes même des ballons à moitié pourris ou machin et tout. Quand ça rigole, quand ça va bien, c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal, notamment je pense le match de Brest où finalement son tir pourri se transforme en passe décisive. Vous voyez qu'il était un petit peu à l'envers parce que contre Troyes il avait mangé la feuille à plusieurs reprises du match. Et là maintenant s'il se retrouve à l'endroit, c'est le genre de mec qui peut il peut nous claquer les 10 buts dans la saison, je pense sans eux, il a largement la capacité de faire ça, de marquer que les 10 buts en Ligue 1 quoi. Voilà, 10 pour lui, 15 pour Diallo, 15 pour Aya. Ouais, ça va. Et donc on est européen. Et Motiba à 10? Ouais, mais Motiba sur la PlayStation, tu veux dire. Oui, c'est ça. Mais Motiba, j'espère pour lui, vraiment, qu'il reviendra, parce que c'est pas un mauvais mec, c'est pas un con. Parce que dans le genre, les blessés qu'on comprend pas trop, t'as Saï qui se déchire le quadri en match de préparation, il rechute derrière et tout, mais même une déchirure de quadri, pour un jeune joueur comme ça, ça date, hein, là on est bientôt mi-octobre, et putain, ça devrait pas, enfin une déchirure à la cuisse, c'est quelque chose qui arrive hyper souvent chez plein de footballeurs, c'est comme la déchirure au mollet, quoi, c'est vraiment un truc hyper fréquent. Putain, soit on prend énormément de précautions avec le joueur parce qu'il est toujours en phase de réathlétisation d'après les DNA de ce matin, quand est-ce qu'il va revenir, parce que c'est quand même toujours un peu le joker, le mec qui peut dynamiter, le mec qui peut jouer sur l'aile. C'est vrai. Le jour où Sally reviendra, peut-être qu'on verra plus Waris aussi, parce que ça impliquerait Je pense que Waris, tu peux faire une croix dessus. J'espère pour lui en fait, mais et pour que lui, oui, mais non, il est à sa dernière année de contrat. J'ai quand même peu d'espoir. Faut vraiment qu'il soit extrêmement convaincant pour. Bien sûr. Pour l'instant, de quoi il rentre, il a même fait un match titulaire, je crois, Contre Angers. Mais bon, le 4-4-2 expérimental où t'as Thomasson qui joue ailier gauche, Waris ailier droit. C'était expérimental, et d'ailleurs Stéphane s'y est pu essayer après. Il a pu retenter son 4-4-2, il voulait jouer en 4-4-2, il avait dit « Ouais, moi je vais faire du jeu, ouais, tu peux pas avec cette équipe-là. » C'était pas fait pour. Donc voilà, actuellement on a trois attaquants de très bon niveau, on a Waris qui joue les utilités, mais on a effectivement sur le flanc les deux attaquants remplaçants habituels. Si Saï et peut-être un jour Motiba reviennent sur le banc de touche, je pense que Waris, le banc de touche, il le verra de très très loin. En tout cas, ça a l'air quand même un peu plus sain, la concurrence, et que un mec comme Waris, il y a les trois gars. Stéphane le dit à longueur d'interview, il a trois attaquants de très bon niveau, et pour le coup, c'est vrai. T'as genre Diallo, Gamero, t'es n'importe quel coach de Ligue 1, t'es content, quoi. Il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas parlé et qui est une information de cette semaine. Il y a eu un mouvement dans l'effectif cette semaine. Il n'y a pas eu de question, mais ça non plus. Ici, c'est Routier 67. Voilà. Il n'y a pas 47 qui te copie sur la fréquence et qui te souhaite un joyeux Noël. Donc, du coup, il rejoint Thierry Loret au Paris FC. Ouais. Le mec, il n'a jamais fait jouer, il veut le revenir. Il l'a quand même fait jouer. 9 minutes. Toujours à chaque fois les 2-3 minutes à chaque fin de match, quoi. C'était un peu devenu le totem. Ouais, c'était le côté Stéphane Sopodine, tu vois. L'homme au six doigts. C'est exact. C'est qui ça? Sopodine, c'était effectivement six doigts. Il avait six doigts. Il avait six doigts et une main. C'était un défenseur du Racing et il jouait les utilités. Ouais, il rentrait toujours. Grèce le faisait toujours rentrer. Et après, il a signé à Racing, non, je voyais, non. Non, à Chilic après. Mais il a joué assez longtemps à Racing, hein, parce qu'il a connu l'époque avec les maillots Echter et il était encore en là. Il a fait une carrière un peu à l'Eric Vogel, quoi. Longtemps au Racing, mais pas joué beaucoup en fait. Ouais, sauf que lui, il a pas fourgué de bagnole. Après, non, je pense qu'il est pas concessionnaire automobile à Stéphane Sopoli. Non, je crois qu'il est devenu animateur de centre socio-culturel ou un truc dans le genre. C'est moins lucratif, mais c'est tout. C'est bien. Enrichissant. C'est quoi Racing Vintage? Parce que ce qu'on peut en parler de ça, c'est tout. On peut aussi en parler, mais ça fait beaucoup de choses à parler. C'est le principal témoin. On peut chier sur Racing Vintage, on a 2 minutes. C'est quoi cette opération? Alors, ce qui était cool, c'est la vidéo où il se foutait de la gueule de Specht, ça c'était pas mal. Oui! Ça, franchement, ça a fait plaisir à tout le monde. Après, ce qui pose question, c'est le partenariat de cette opération avec le site internet qui est basé sur Célesta. C'est déjà ça. Moi, je me pose des questions. Moi, je me pose une seule question, c'est où vont les maillots? Célesta. Suis le maillot, c'est suis l'argent, quoi. C'est un peu ça. S'il y a des gens qui vont vendre des maillots vintage, j'imagine un maillot, je sais pas, début des années 90, c'est un truc machin, ok, on te rapporte un certain prix, on va te faire un bon d'achat. Mais si le site internet qui est spécialisé dans le vente de maillots vintage va le récupérer et va le revendre 200 balles sur son site. Il y a une particularité quand même, parce que bon, c'est vrai que ce truc du maillot vintage, ça prend quand même maintenant depuis 3-4 ans. C'est vrai qu'il y a parfois des trucs très spéculatifs là-dessus, ça devient un peu un truc. Il y a quelques années, c'était un truc de collectionneur sur eBay, et maintenant ça devient un peu plus mainstream. Après, la grande différence, c'est quand même, le gars qui va acheter un maillot collector du Racing à 200 ou 300 boules, il est déjà dans l'univers supporter du Racing en Alsace, ou pas très loin, ou avec un lien avec l'Alsace. C'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pas le Milan AC, ou que sais-je. Donc, globalement, non mais tu vois, les gens savent, tu vois, où ils sont déjà dotés, quoi. Mais c'est la vraie question, c'est où vont les maillots et quel est l'intérêt du Racing là-dedans, parce que à part faire des bons d'achat pour qu'éventuellement vendre des nouveaux maillots, ça ressemble un peu à un copinage entre un énième responsable marketing et puis quelqu'un qui est basé à Célesta et il est investisseur qui est important. Non, non. À tort. C'est à tort qui a fait le coup, mais c'est sûr. Ça, je pense que. Non, voilà, c'est. Je sais pas, ça m'a laissé un goût bizarre dans la bouche. Je veux dire, si un peu d'acidité. Non, mais dans le sens, si jamais le Racing voulait remettre la main, par exemple, sur des vieux maillots, parce que par exemple, il y aurait éventuellement un projet de rénovation du stade, avec éventuellement dans les cartons, faire un musée. Tout ça, là, je le comprends, je le conçois. Ouais. Mais se mettre en accoquinage avec une société. Mercantile, le but c'est de faire du pognon sur les maillots vintage parce que c'est bien de ça que cette société-là, machin. Il y a ce côté-là, moi, qui me. Alors, je demande à voir. Si ça se trouve, je le goût aussi. Alors qu'il y a rien. Mais je pense que tu vois, il y a franchement, sans déconner, il y a personne qui va arriver avec un maillot Habitat Center de 92 pour récupérer un bon d'achat. Mais est-ce qu'il n'y a pas une grand-mère qui va dire pour acheter à son petit-fils tu serais surpris, à mon avis, ouais, tu vas avoir des grand-mères, des machins. Peut-être qu'il y aura des mecs comme Pepito qui seront à côté en train de faire. C'est à la sortie. Maillot. Mais c'est plutôt le gars qui va revendre le maillot d'il y a 2-3 ans. Adler. Non, pas du Adler, non, du ES Ligue 2, tu vois. CGV. Ouais. Au national. Ouais, CGV, voilà. Ça, c'est CGV, tu vois. Un bon vieux CGV. Un bon CGV, Floqué, Blayac ou Chonchon. Attention, les flocages. Blanc du Nil. Mais des maillots qui vont peut-être devenir, effectivement, dans 4-5 ans, qui vont commencer à valoir de la fille. Là, tu les affines en cave, tu vois. Ouais, exactement. Comme un bon comté. Non, mais c'est la racine pusisation du Racing. C'est la Racing putisation, on peut le dire. Bah, c'est un petit peu le problème. L'an dernier, je trouve que ça faisait partie de la saison de merde. Ce côté, genre, marketingiser ou de mercantiliser. Enfin, c'est un peu le côté, tu vois. Enfin, je veux dire. Non, mais que tu dois payer ta rénovation du stade en contexte Covid, soit. Mais ça, le sportif ne tournait pas. Et on avait des rugifs payants de matchs de merde. Je veux dire, en même temps. Je comprends pas trop, tu vois. Enfin, mais c'est logique, il y a un truc là-dedans qui est assez symptomatique, c'est le départ de Giroud, tu vois. Le mec qui s'était tapé les 25 000 embrouilles à Épinal pour le match à Raon, etc. Alors après, qui avait ses défauts par ailleurs, et qui était peut-être un peu débordé, et qui a peut-être un peu à un moment fait un burn-out, tu vois. Mais Giroud, c'est le type qui avait été pris comme sous-fifre par Marc Heller au moment du National, et qui faisait des semaines de 80 heures à régler que des histoires de corps de cul. Donc. On a un avis positif ou négatif sur son boulot, mais tu peux pas nier le fait que le gars, il a bossé comme un malade pendant 2, 3, 4, 5 ans. C'est d'ailleurs hommage à tous ceux qui bossent au Racing, hein. Ils font un boulot de malade. Hein. Voilà. Et donc là, Pas tous, voilà. C'est-à-dire que là, maintenant, t'as la race des branleurs qui arrive. Il y a un peu plus de gras, il y a un peu plus de postes. Il y en a un, il est responsable marketing, l'autre, il est responsable com, l'autre, il est responsable événement, l'autre, il est responsable marketing com événement. Enfin, tu vois. Je vise personne en particulier, j'ai pas assez d'infos pour être dans les petites histoires du club, mais tu vois, ça se professionnalise, et t'as des mecs là comme Termoz, Gutleben, etc. Eux, ils sont là pour se faire une petite carrière, et ils sont là pour être un peu dans le mood du moment. Quelque part, ils font que le Racing est un peu plus à la mode, parce que par exemple, typiquement, les vidéos, elles sont vachement bien foutues. La vidéo de Le Marchand là, qui fait la rentrée des classes, ou la vidéo où ils se foutent de la gueule de Specht, ouais, c'est une bonne idée. C'est super bien tourné. Donc c'est mieux, tu vois, mais en même temps c'est vachement plus cynique, et c'est et tu sens que les types, si tu leur proposes d'être ailleurs dans 6 mois, ils sont ailleurs dans 6 mois, quoi. Clairement. Mais c'est un peu comme ça. Donc cette histoire de Racing Vintage, quelque part, le mec qui a monté ça, lui, il s'en fout, parce que il a fait une jolie vidéo, ça fait un peu parler. En bien ou en mal, il s'en fout complètement. Ça fait parler. L'important, c'est le buzz. C'est le buzz, et dans 6 mois ou dans 1 an, il sera ailleurs. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien le national. Il y avait pour ça, on était moins emmerdés. Hein. Il y avait moins de Racing Vintage à la con. Hein, voilà. Du coup, j'ai une dernière question quand même. Pour les buvettes, non, on n'a pas les buvettes. Alors, j'avais proposé, c'est soit les buvettes, soit le port du masque. On a fait les buvettes. On peut faire les deux. Les ports du masque à la buvette. Bon, alors les buvettes. Alors, qui a posé la question sur les buvettes? C'est pas une buvette. Bah, en gros, il y a tout le monde qui est vénère à cause des buvettes, quoi. Et ils ont bien raison. Mais alors, ça, pour le coup, c'est l'ADN du club. Oui, mais arrêtez de consommer au stade. C'est le message à passer, c'est arrêtez de consommer au stade. On consomme où? On consomme où alors? Oui, c'est ça. On consomme avant le match, on consomme après le match, là où vous voulez bien, mais pas au stade, parce que si c'est pour attendre 45 minutes d'avoir la commande qui est pourrie et tu rates la moitié du match, et enfin voilà, c'est ok. On a un prestataire qui s'occupe visiblement des buvettes, qui sous-traite à des. C'est Ilvecchio qui dit le topic. Flasa un soufa Eiffel de Melo. Je pense que c'est du l'Arménien. Regorge de récriminations envers Marco le plus beau et son équipe. Ouais, voilà. Allez-vous traiter le sujet et... Ne pas répondre bêtement oui ou non. Moi, j'ai envie de dire oui. Moi, j'ai cru entendre que si tu veux te faire entendre au Racing, ce qu'il faut, c'est envoyer des mails de plainte. Voilà. Donc, si tous nos auditeurs de Radio Stoub envoyer des mails, il y a que ça qui marche. Tant qu'ils n'ont pas de preuve écrite, machin, quand ils entendent des rondis, ça leur va pas. Ils leur veulent une preuve écrite, un mail, un mec qui se plaint. Je veux dire que si on envoie tous des mails, 30 mecs qui se plaint. Non, mais lui, il a un picon à volonté. Mais globalement, voilà. Moi, je vois les files d'attente, parce que moi, je consomme pas à la méno, c'est vraiment trop le bordel. Et quand je vois les files d'attente qui sont énormes avant le match. Ouais. Énormes, même avant la mi-temps. Pendant le match. Enfin, c'est juste le truc. Après le match, j'en parle même pas. Ça ne désemplit jamais pour servir genre des bières, où ça va très vite, quoi. Tu sers une boisson, quoi. J'ai renoncé à boire une bière parce qu'elle est trop tuée. Bah, c'est, oui, après, je suis c'est grave. C'est honteux. C'est pas le genre de choses qui t'arrive à Biarritz. Exactement, là, le service était... Bah, c'est, après, t'as le service que tu payes aussi, parce que finalement, qui est-ce qui tient ces stands-là? C'est que des espèces d'étudiants sous-payés. Des extra-étudiants. Tarif smic horaire. Bah, voilà. Et franchement, c'est un métier difficile. Moi, les deux, trois fois où j'ai dû tenir un bar à la Fédé devant une foule de gens, je me souviens d'une fois où il y avait un cortège et où il y a 150 UB qui sont arrivés en même temps. Qui ont soif. Donc, tu fais de ton mieux pour les servir. Mais franchement, les mecs ils passent 30 minutes. Non, ils sont gentils, mais ils mettent la pression, tu vois. Mais moi, je ferais pareil à leur place. Je veux une bière. Et après, t'es vidé, quoi. Enfin, c'est dur, hein, de tenir un bar. C'est un métier. C'est un métier. Le problème, c'est le prestataire qui sous-traite. Il y a jamais par buvette un ou deux tauliers qui est, on va dire, professionnel. Et pourquoi on en revient toujours à la même chose. Une pensée pour Marco, c'est plus beau. C'est une histoire de thune, ça. Ouais, c'est que globalement, et finalement, les bières sont pas très chères au Racing. T'as ta pinte pour 5€ si tu déduis la consigne, ça reste un tarif tout à fait correct, et ce tarif n'est possible que parce que tu fous de l'étudiant sous-payé, et que du coup t'as un gros coup de turnover, parce que j'imagine qu'il y en a une bonne moitié qui font ça une fois. Ils se disent non, c'est pas pour moi, je préfère aller récurer les chiottes dans un routier au fin fond de Cronenbourg ou dans une station service à Oswald, et t'en as d'autres qui reviennent, mais ils font ça Pense qu'il y a personne qui se kiffe de le faire tous les week-ends, ouais. Bah, c'est une question de prestat, quoi. C'est aussi bien à la buvette que les gens qui s'occupent du pass sanitaire. Voilà. Le pass sanitaire, ça marche pas si mal, non? Mais c'est aussi des étudiants qui scannent avec leur propre téléphone, et c'est effectivement, ça marche extrêmement bien. T'as aucune attente, à n'importe quel moment que ce soit. Moi, mais ça marche vraiment très bien fait. Ça marche au nickel. Mais c'est aussi même la queue est bien. Donc, a priori, c'est des prestats qui travaillent quasi bénévolement, qui ont juste un sandwich et qui peuvent aller voir le match après. Quand même. Ça se limite à ça, quoi. Mais là, c'est la Croix-Rouge, t'as un petit peu plus. Mais ça, bon, le Racing, ça n'a pas de prix. Mais bon, on porte toujours le masque du coup à la méno. Une fois qu'on a passé le pass sanitaire. Bah, je sais pas. Parce que a priori, c'est un établissement qui reçoit du public. Non, mais l'arrêté dit qu'on n'est plus obligé, je crois. Mais je crois même, en fait, là où j'ai vu une différence, c'était les journalistes même de Amazon qui portaient plus le masque. Qui le portaient que pour des occasions très très précises, mais finalement, enfin, si eux ont arrêté le. Enfin, c'est que. J'ai encore une question. Bah, moi, j'ai eu le débat avec Arthur qui m'a engueulé parce que j'enlevais le masque. Et puis au moment où il m'a dit ça, il a enlevé le sien. Voilà. Pour te gueuler dessus. Bah ouais, tout est dit, tout est dit. D'après ce que nous, on a. Enfin, ce qui. Où la préfecture ne fait pas la publicité, mais c'est qu'à partir de fin septembre, l'arrêté n'a pas été reconduit. Et donc, du coup, le port du masque, notamment dans les établissements recevant du public, comme on est passé. Soumis au pass sanitaire. On est passé sous les 50 cas pour 100 000 habitants. 34. Donc, a priori, tu n'es plus censé porter le. Tu n'es plus obligé, c'est fortement recommandé. Il paraît qu'il y a des salles de sport à Strasbourg, par exemple du côté du Wacken, dans un sport bizarre où il y a plein de points dans le match. J'ai pas le droit de mettre un chaud de panier. Oui, ce truc là. Voilà, oui. Ce truc là. Et ben il paraît que ça a été dit par le speaker, comme quoi le port du masque n'est plus obligatoire, mais qu'il est fortement conseillé d'être conservé. Donc à la méno, a priori, dans un prochain match à venir. Je pense que tout le monde s'en fout depuis longtemps à la méno, mais. Bah en tout cas dans la tribune que je fréquente, moi ça fait effectivement deux tout le monde s'en bat les couilles. Hein. c'est clair. Ça fait deux matchs que je n'ai même plus mon masque pour rentrer à la foule. En tout cas, il y a plus de clusters identifiés comme ça aurait pu être le cas au moment du tout début du Covid. où il y a eu cette fameuse, enfin ce fameux non-match entre Strasbourg et Paris à l'époque, où là il y aurait eu, enfin voilà, c'est, parce c'est que là c'était, vois, c'était la bonne idée de l'année. C'était ouais. C'était la bonne idée de l'année, tout court. C'était le truc qui a sauvé des vies. Maintenant, la plupart des gens sont vaccinés. De toute façon, les gens qui viennent au stade doivent être vaccinés puisque c'est la norme. Après, à cette époque-là, on aurait pu fermer la frontière avec le Haut-Rhin aussi, ça aurait marché. Alors, j'ai envie de dire, faut fermer la frontière avec l'Allemagne aussi, parce que si tu mets ça en résonance, ce qui se passe outre-Rhin, actuellement à Karlsruhe, ils sont encore deux tiers de personnes seulement qui ont le droit de venir et masque obligatoire porté dans l'enceinte sportive, quoi. Ouais, bon après les Allemands, sachant qu'ils étaient à moins des deux tiers il y a quelques temps, ils étaient à peu près à la moitié autorisés, maintenant ils sont passés aux deux tiers, donc gros, voilà, une grosse évolution, et toujours le masque, enfin c'est, ils ont des conditions, et en fait tu traverses la frontière, t'es à Strasbourg et là c'est la fête de la saucisse. C'est pas politique aussi. Bon, si tu vas à Kiel, à mon avis ils s'en foutent, hein. C'est pas politique. Kiel, oui, parce que Kiel c'est Strasbourg. Mais ouais, exactement. Je me demande le truc d'avoir du monde dans les stades, est-ce que c'est pas politique, est-ce que c'est pas le truc genre on est revenu au monde normal, on va pas se plaindre en même temps, on a assez braillé qu'on pouvait pas y aller, alors oui bien sûr, non mais c'est, franchement jusqu'ici pourtant les supporters ils ont tout fait pour qu'on y aille plus, c'est vrai. C'est un débat qu'on aura hors, parce que là on est déjà 1h30 et 1h30 c'est même plus. Une heure et demie c'est la durée d'un match, une heure et demie c'est beaucoup, voilà, c'est la durée d'un match de foot quand c'est Fred qui joue. Pas quand c'est les Lillois, parce que quand c'est les Lillois, c'est 42 minutes le match. Là, je suis obligé de vous couper parce qu'en plus, il y a Matt Sells contre le Kylian Mbappé. Ah oui. Donc, on va être obligé de couper là. Il y a plein de débats. On a quand même répondu à plein de questions, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est ceux qu'on a oubliés, on vous aime quand même. Voilà, on n'a pas pu le faire. Exactement. Sauf lui, mais bon. Et on fait un cœur avec les doigts. Exactement. JP Darky, cœur avec les doigts. Allez, Racine. Allez, à poil. Le maintien en début de saison, c'est le socle de notre projet